mon vélo, maintenant mes chaussures, maintenant mon vélo. Ah mais ça a beaucoup moins marché maintenant. Ah non, pas du tout, aucun rapport. On va s'intéresser à ce qui s'est passé au cinéma pendant 2009. Je vous ai compris. Je crois qu'un artiste, c'est quelqu'un qui a mal aux autres. Bien que ça, c'est illégal ce que je fais. C'est illégal, oui. C'est illégal. Je vais le faire. Si mon point tourne, vous êtes une pute. Tu es en train de faire pute. Qu'est-ce que c'est? Eh, mais c'est les minables. Je l'ai attrapé chez Mitoma dans la gueule, il a pété. Qu'est-ce qui vous arrive? Vous avez une crise d'urticaire? La question est la suivante, comment vous portez-vous? Laissez les commentaires, hein, bande de salopes. C'est dégueulasse. Bonsoir à tous, vous êtes bien dans l'entrée des artistes, l'unique podcast d'audio porn gilet jaune qui essaie d'inonder les ondes un peu plus chaque semaine depuis 3 semaines. Pourquoi audio porn gilet jaune? Parce qu'on est complètement nus, on se caresse et on crie très fort quand on joue et on aime ça. Faut qu'un rapport avec les gilets jaunes. Qu'est-ce qui est en train de se passer? On s'invite chez vous au plus près du peuple et au plus près de l'invité qu'on est ravis d'accueillir ce soir. Vous devez la connaître, une star du YouTube français. On mettra lien en barre d'infos avec sa chaîne Dimitri, une personne familière des halls d'immeubles. Et actuellement, photo d'écran d'ordi de Ryan. Bonsoir Agnès. Bonsoir. Et je suis en compagnie de mes acolytes numéro 1 du pape. Invité, ingé son, carte blanche, l'homme qu'on appelle torchon sur la queue en raison d'une soirée où on lui a vomi dessus. Enfin, je n'ai pas tout compris. Bonsoir Ryan. Bonsoir. Salut. Sniper de l'émission, il tire à van réel et doté également d'un énorme sexe. Bonsoir Julien. J'en ai marre. Quant à lui, il tire sur tout ce qui ressemble de près ou de loin à un Algérien. Bonsoir Kylian. Bonsoir. Le concept est simple, trois films que les animateurs choisissent en fonction d'un thème donné et l'invité, qu'on rappelle être la youtubeuse numéro 1 du YouTube français, avec la chaîne Dimitri qu'on mettra en barre d'infos. Donc l'invité doit déterminer qui c'est le meilleur, qui aura la lourde tâche de choisir le thème suivant. Ce soir, le thème, c'est les sorties 2009. Pour vous situer 2009, c'est ça. Ou encore ça. J'aimerais tellement te dire ce que veut mon cœur, mais je n'ai plus les mots. No. J'aimerais tellement te dire que je n'ai plus peur, mais c'est mon seul faux. Oh, oh. Alors on va danser la tectonique, se raconter des melons et melèches, se faire pousser les cheveux comme Justin Bieber. Justin Bieber, le chanteur de pop music. Ouais. Il est moins sexy que toi. Merci. Et on va éventuellement parler de Sinoche. Oh là là. Mais avant ça, on va faire tourner la roue pour savoir qui c'est qui commence. Ah bah c'est cool de me lancer sur ça, mais je l'ai pas préparé donc. Allez, beau happening. C'est l'heure de la roue magique. C'est la roue magique. Bon, je vais changer de titre parce que c'est encore Lucas, mais vas-y. Ah, ça fait trois fois d'affilée. Ouais, c'est le jeu de la roue magique. C'est le jeu. Alors, sérieux, on va vraiment repartir là-dessus. On va repartir sur ça. Le jeu le plus truqué du PAF. Oui, je pense. Après, Kylian va voir la repasser en deuxième. Du coup, ouais, c'est voilà. C'est Kylian. Non, mais vous voulez pas recommencer la roue magique? Non, Kylian, arrête le jeu. C'est bien, très bien. Déjà, tu triches sur le deuxième tour, tu vas pas tricher sur le premier tour. Tu vas te calmer, Bernard Tapie. Allez. Donc, mon film est le pire film de la des sorties 2009 au cinéma. Safari, Avatar, RTT. Alors j'avais le choix entre Safari, RTT et Avatar, mais j'ai recoupé 2-3 infos. Alors, et c'est pas ça, là-haut. Mais c'est pire que ça. Et deuxième indice, mais vous allez absolument voir, donc c'est sorti en 2009. Donc troisième indice, c'est sorti en 2009. C'est sorti en 2009. Donc quatrième indice, sorti après 2008. C'est en 2008. Okay. Et juste avant l'année 2010. Okay. Et donc cinquième indice, il y a du Bosque. Ok. Oula. Camping. Oh, il a. Non, sixième, attends, c'est vu. Fait par Yann Moix. Quand même. Oh, c'est Cinéman. J'adore ce film. J'adore ce film. J'ai absolument pas vu. Hein. Je sais pas. Je peux en parler deux heures de Cinéman. Mais en fait, moi, tu sais, en recoupant les films de 2009, je l'ai vu. Tu vois, en passant, j'ai dit. Ouais. Mais aucune chance. Bah, je l'ai vu quand même 5 fois passé. Je me suis dit, c'était peut-être. Mais moi, je me suis dit, en le voyant, aucune chance pour que quelqu'un. Mais je. J'hésitais à le prendre parce que en fait, j'ai énormément d'anecdotes sur ce film. Oh là là. Parce que c'est une catastrophe ambulante. Mais c'est pas ton film, ça va. Alors attends. Mais tu peux en rajouter si tu veux. Alors j'ai regardé ça après Jackie Brown. Donc voilà, je tiens juste à lire. C'est dans la continuité, non, je crois. C'est, ouais, ouais, c'est la suite. Ouais, c'est la suite. Il a voulu faire une variation. Bah, Tarantino a dit « I'm very inspired by cinema and cat marks hein. ». Pas... C'est un extrait audio là qu'on vient de passer. Donc, et j'ai vu l'affiche et je me suis dit, alors je commence par l'affiche. Hein. Petite review de l'affiche. Ce qui est marrant, c'est qu'il a fait 10 affiches avec des références du film. Que des catastrophes. Et moi j'ai vu l'affiche avec donc Tarzan, parce qu'il y aura Tarzan. T'as vu celle avec Kill Bill ou quoi? C'est juste Franky Boss guisé en cowboy sur un fond vert nul et avec la truc de Kill Bill derrière. Ah ok, d'accord. C'est une autre. J'ai pas tout noté. J'ai vu l'affiche de Tarzan, vraiment bizarre. Ouais, Tarzan, c'est celle qui est sortie au cinéma du coup. Bon, du coup, je me suis dit Dubosc, que c'est pas gage de qualité de ouf, mais je me suis dit, bah ça peut quand même. Donc j'avais des hésitations et je me suis dit, moment, peut-être que c'est bien finalement. Oh que non. 31ème seconde, ça commence par un plan ralenti avec Dubosc en mode ringard, costume jaune, lunettes avec une voix off de Dubosc qui parle. Donc sur Dubosc. Et on comprend là direct le concept parce qu'il se présente, il dit ouais, je suis cinéman, donc c'est que le mec en gros va dans les films. Et dans le générique, on voit déjà tout le système du film. Et je me suis dit peut-être que ça va s'arrêter là. Enfin, peut-être qu'ils auraient dû s'arrêter là. Et donc là, il commence à avoir des dizaines de références avec des images de films. Et Dubosc, mal incrusté, en plein milieu, que ce soit en noir ou blanc ou en couleur, vraiment, il est mal incrusté tout le temps. Et c'est cinéma, donc gros, que c'est une star. Mais surtout que, de base, le concept pue la merde, en fait, hein, d'un mec qui va dans des films. Le concept aurait pu être cool, si c'était non bien réalisé, c'était américain, ça aurait pu être cool de ouf. Il y a Noir, c'est avec Franck Dubosc et PEF. Mais oui, Franck Dubosc, déjà, voilà, idée, oui, je suis d'accord, surtout mais américain, le concept du film. Il y a eu la même chose. Ah, le concept, vous l'avez vu, ça fait la première minute et c'est tout le film. Le mec, oui, c'est que ça, c'est nul. Il y a eu la même chose pour Nintendo, hein. Je crois que c'était Nintendo Boy ou un truc du genre, là, c'est l'enfant qui rentre dans les jeux vidéo Nintendo. Voilà, c'est le pire concept, du coup, faire ça en film, c'était... Non, c'est original. Non. Première vanne, 1 minute 35, je note. Donc là, le film dure 1h30. Hein. Et il présente. C'est une bête de. Voilà, faut raccourcir. C'est il présente la catastrophe de la semaine dernière. Ouais, parce que il présente la famille, et donc c'est Cineboy, Cinedog, Cinecat, qui n'aura absolument aucune incidence sur le scénario. D'accord, ok. Voilà. Deuxième minute, je découvre que la particularité de ce film est que tous les acteurs jouent mal. Voilà, non, mais c'est pas ça la particularité, c'est qu'ils sont doublés. Attends, ne dis rien. Non, j'adore ce film. Et je dis réplique, et je vais jouer les répliques. Et monsieur Cineman, comment il est Dark Vador dans la vie? Ou encore, vous avez un appel de Harry Potter et de Lara Croft. Et là, j'ai noté, je me fais chier, et ça va être très long, il est 22h. Ouais, non, mais. Et surtout, en plus, le film commence par un ça, c'est moi. Donc, le pire début de film. J'avais une hésitation, et là, deuxième minute, ben, c'est fini quoi. C'était. Bien vu que c'était un nanar. C'est terrible. Mais c'est pas un nanar, c'est fondamentalement nul. En plus, il s'appelle Régis Deloup. C'est ça? Non, mais le film est terrible. Il est prof de physique. Il s'appelle, et il se fait appeler. Prof de maths. Mathématique supérieure. Mais alors, attends. Donc, le film commence. Donc, le générique est beaucoup trop long. Il dure 3 minutes. Et on voit. Dans Chaplin, et il explique qu'il est en gros amoureux d'une meuf qu'on retrouvait. Et donc le film commence, on retourne aux origines de Cineman, et c'est là que ça devient intéressant ce film. Oh putain, Il est professeur de mathématiques supérieures, et j'ai noté qu'il a la particularité de dire les phrases les moins naturelles du monde. Et ce film, en fait, tous les acteurs disent ce qu'on voit juste avant. Je vais vous expliquer ça plus tard. Donc là, il est professeur de mathématiques supérieures en classe préparatoire au lycée Alfred Jarry, enfin, c'est ce qu'il me dit directement. C'est un enculé aussi. Et là, c'est marrant parce qu'on voit différentes scènes. C'est quoi? C'est un enculé avec ses élèves, sans déconner. Ouais, oui, il fait que les trash talk, mais après, à la fin, il est gentil parce qu'il a trouvé l'amour. Oui, bah, c'est Yann Moix en fait. Hein. Ouais, il s'est mis dans le film en fait. Non, mais Yann Moix, vraiment. Et il a voulu faire du cinoche parce que sur certaines scènes, bon, je passe l'épisode du lycée au début, tout ça. Sur certaines scènes, il a voulu faire genre. Donc je répète ma référence, The Néon Démon. Et avec, tu sais, les couleurs. Mais en fait, il a pas joué sur la lumière, il a juste mis des filtres sur sa caméra. Soit les images sont toutes bleues, soit toutes rouges, soit toutes jaunes. Donc j'ai dit que c'était dégueu, donc c'était pas fou. J'ai dit The Néon Démon, mais version dégueu. Donc quoi, c'était. Sucker Punch alors. Oh, nul à chier, ce film. Non, Sucker Punch. Ça me dit grave un truc, attends. Un film de merde. C'est le film de Snyder avec. Une immense merde. Oscar Isaac qui chante. Hyper sexiste, ce film de merde. Voilà. Oui, c'est ça qui. Ça non, c'est ça qu'on aime. C'est le premier film que Snyder d'ailleurs écrit tout seul. Oui. A raison, finalement, parce que c'est nul. Hein. Ah, bah, tu commences à faire les mêmes critiques que Télérama, finalement. Non, mais c'est nul, Snyder. Bon, déjà, Snyder, c'est pas bien, alors ce film est terrible. Et donc il y a Dubosc qui dit web, turlupiner, chatter, flirter pendant un date avec une meuf. Je sais pas pourquoi j'ai noté ça parce que ça va aucun. Parce qu'il a 46 ans et qu'il a un langage de Jones. Tu lis encore un texte là comme tout à l'heure ou pas? Non. Et donc après, sans aucun lien après ce date, il y a des images de, du film Sissi pendant un mariage avec Pef qui joue le méchant et qui enlève Sissi qui s'appelle en fait Viviane. Ouais. Oui. Ouais. Ok. Ça fait 10 minutes et j'ai dit que le film allait être très long. Et donc après, le film revient dans la vie normale avec Dubosc en tant que prof de maths. Parce qu'il n'est pas encore cinéma, il va le devenir. Ça fait 5 minutes de film. Mmh. Et là... Putain, vous vous rendez compte que ça va être long comme, comme Twilight ou... Et là, oh. Il se coupe le doigt avec un livre de maths. Et il saigne sur une photo de Sissi qui était dans le livre. Et donc Sissi qui s'appelle en fait Viviane. Sissi l'impératrice. Et donc qui se trouvait dans ce livre de maths. Bah. Et qui lui dit qu'il faut qu'il la sauve, Sissi, parce qu'elle est enlevée par Pef. Qui est Jules Méchant. D'accord. Mais tu as chaque action, tu l'as... Oui, je vais doter chaque action. D'accord. Mais le film est mauvais, hein. Faut mais... courant. Mais alors que Twilight, c'était tellement bien qu'il y a un chef-d'œuvre. Et donc, après, Dubosc, il attrape une sorte genre de maladie. On le voit grésiller, passer du noir et blanc. Il va voir un médecin. Et donc, médecin joué par... Michael Jackson. Galabru. Oh, putain. Et, bah, étonnamment, il joue mal. Étonnamment, ouais. Bah alors là, bah, tout Galabru est vieux, hein, donc il voit bien. Et il lui donne des suppositoires, et les suppositoires fonctionnent et arrêtent la maladie. Mais cependant, il va voir quand même Pierre Richard, qui est le spécialiste de cette maladie. Oulala. Et oui, c'est Pierre Richard est dans le film. C'est le jeu du cinéma. Enfin, et non, lui explique qu'il va devoir sauver Sissi, qui s'appelle en fait Viviane, en traversant des films. Et là, je me suis dit, petite réflexion. Si le meilleur film d'un acteur se joue entre Camping et Bienvenue à bord, c'est que c'est pas un bon acteur. Bienvenue à bord Il y a Disco aussi. Non, mais surtout que Pierre Richard explique le synopsis du film. Il a fait tu es cinéma, tu vas voir le film. Donc voilà. Synopsis qui était déjà expliqué voilà, au début pour ralentir. Ouais. Bah, en fait, c'est là que tu vois que le film est très mal monté et très mal écrit, car il y a de moi que ça tout est réécrit au montage. C'est terrible. Et donc là, Dubosc, il va s'entraîner pour forcément affronter tous ces films. Et donc là, Non, il y a vraiment... une scène d'entraînement. Oui, il y a une scène d'entraînement, mais vraiment une scène d'entraînement de 30 secondes qui n'aura aucune incidence. Puisque 30 secondes plus tard, il va dire ah bah c'est bon, je suis prêt. Et Pierre Richard, il va dire ah, pas de soucis. Et là, premier film, il va dans un western, il se fait appeler Dangerous Régis. Et là, petit jeu de la réplique, parce que le truc est un. Donc, petit jeu de la réplique. Première réplique 1. Hey gamin, ça tombe bien que ta mère t'ait fait des grands pieds, des sentiers vides vont tomber. Oh, réplique 2. Bienvenue à la fête du slip, gringo. Tu l'as pas. Elle va venir. Réplique 3. Retire ton poids de mon col que je pète, cowboy. Et donc en gros. Retire ton doigt de mon quoi? Retire ton doigt de mon colt que je pète, cowboy. Peut-être qu'elle soit vraiment dans un film finalement. Je ouais, je te jure, à quoi elle va être dans un film à tout Je pense que c'est celle-là là vraiment. J'espère. Il y en a deux fausses, une vraie? Oui. Deux fausses? Non, ouais, deux vraies, une fausse, pardon. Deux vraies, une fausse. Bon bah. Ouais, non, mais bon, c'est un peu Ok. Et donc là, Dubosc, il est dans un saloon, il veut sauver Viviane qui s'appelle Viviane, du coup, finalement, et il danse au milieu de la scène. Et là, gros face à face avec Pef, Dubosc se fait péter la gueule, il se fait pisser dessus, il est enterré, mais il y a Sissi qui s'appelle en fait Viviane. En cheval qui le déterre et lui dit qu'il y a un et lui dit qu'il y a un puits pas loin pour entrer chez lui parce que oui l'eau ça fait rentrer dans la vie normale du Bosc. Okay. Il sort de film avec l'eau voilà, bah, ouais, toujours avec l'eau en fait c'est toujours avec l'eau mmh. Et donc là hein. Il retourne voir Pierre Richard et lui explique que Pef c'est le méchant comme si enfin vu que ce film a la particularité de dire tout ce qu'on voit donc voilà mal écrit il y a une voix que si tu nous entends arrête tout. Et là, Dubosc retourne faire ses cours dans la vie normale, tout ça, et il reste 50 minutes de film. Oh putain. Là, il devient Robin des Bois. Il revient voir Viviane et il est amoureux d'elle, quoi. Là, vraiment, c'est mais pourquoi amoureux. Il est dans Robin des Bois? Parce que, ouais, il traverse tous les films. Là, il devient Robin des Bois. Mais là, elle, il est dans elle Robin... aussi. Elle aussi. Elle suit les films aussi. Ok. Elle joue Sissi, mais elle est partout. C'est si bien expliqué. Je me suis pas posé cette question. Oui, j'avoue. Mais ouais, c'est... Parce que c'est mal écrit. Parce qu'il n'y a qu'une actrice pour tous les rôles féminins du monde. Comment c'est écrit ce film, finalement? En fait, à la base, c'était un film qui était écrit. Bon, une merde, hein. Une merde. Sauf que Yann Mox, en salle de montage, s'est dit « Oh putain, j'ai écrit la pire merde du cinéma français » parce qu'en fait, il a écrit ça après Podium. Qui ouais. Était un gros film ah, mais c'est lui qui l'a écrit, c'est pas... Ah oui, oui, ouais. Sachant que Podium, à la base, écrit, c'est réalisé. Oui, voilà. Sachant qu'à la base, Podium, c'est un livre. On vous fait un cours d'histoire de cinéma de Yann Mox. Hein. À la base, c'est un livre que Yann Mox a écrit, Podium, qu'il adapte au cinéma. Gros succès, je sais pas combien il fait de millions d'entrées, mais bon, ça marche bien. Et c'est avec Franck Dubosc, je crois déjà, Podium. Ou avec Poulvard. Poulvard, ouais. Ouais, c'est avec Poulvard. Sauf que du coup, après, il écrit Cinéman. Il se dit, là, je vais tout péter, là, c'est 30 millions d'entrées, je nique tout. Sauf que Poulvord ne remplit pas. Et il voulait aussi un autre méchant, il ne remplit pas non plus. Du coup, il a eu Franck Dubosc qui est pef, ce qui est un casting moyen. Il tourne un film qui pue la merde. En salle de montage, il fait, oh là là, c'est terrible ce qui vient de se passer. Et du coup, ce qu'il fait, c'est qu'il décide de tout remonter depuis le début, en changeant tout, absolument tout le scénario. Et du coup, il redouble tous les acteurs. Il a fait redoubler tous les acteurs. Et c'est là, en fait, le scénario change. Et aussi, également, il s'est aperçu qu'il n'avait pas assez de... Bah forcément de matériel pour faire son film. Et du coup, ce qu'il a fait, c'est qu'il a volé des passages de films, genre des trucs de paysage, de transition, tout ça, pour les foutre dans son film. Et ça a donné le film extraordinaire qui est Cinéman, qui a fait un bide. Et donc là, Robin des Bois, il se fait attaquer par l'armée de PEF, et il y a combat entre les voleurs de Robin des Bois et les cow-boys de PEF, en gros. Et donc là... Vu qu'il revient dans l'univers normal, j'ai remarqué, c'est là que j'ai remarqué que Pierre Richard s'auto-doublait mal. Ah oui, il est tout. Et c'est le premier film où je peux dire que la VF d'un film français est mal faite. Ah, c'est, ce film est une VF, c'est un truc de ouf. Quoi. Ouais. Et donc là, on retrouve Dubosc dans l'univers égyptien et Romain avec PEF en Jules César. Et donc, deuxième petit jeu. Devinez combien de nombre d'entrées a fait ce film la deuxième semaine, enfin les deux premières semaines de sa sortie. J'ai le chiffre sous les yeux. Attends, c'est pas... Non, mais je ne participe pas, mais j'ai le chiffre sous les yeux. Je pense que c'est 1000. Attends, t'as une fourchette ? C'est peu. Bah, une fourchette ? Non. Non, pas de fourchette. Non, pas de fourchette. Il a fait 70 entrées. Alors toi, tu dis ? Ouais, moi je dis moins de 200. Les deux premières semaines ? Les deux premières semaines cumulées ? Ouais. C'est une merde, c'est sûr. Non, c'est vraiment... Oui, c'est une merde, mais... Vas-y, dis rien. Je sais pas, quand même un peu plus, je sais pas. Ah, mais je sais pas, ouais. Ouais, mais. Sachant que. Vous pensez vraiment que c'est une merde infâme? Mais moi, je l'ai vu ce film. Sachant que Patrick Normal Activité, à la fin de son exploitation et avec Norman dedans, il a fait moins de 100. Enfin, il a fait 100 000, un truc du genre. Ah, mais oui, mais il y a Norman et c'est fait par Maurice Barthélémy. Mais enfin, genre, il y a du truc pour ramener des gens. Mais le film est nul aussi, quoi. Mais là, j'imagine que ça fait bon. Le cinéma, il est terrible. Donc là, il a fait quand même 274 475 entrées. C'est terrible. Les deux premières semaines. Il y a beaucoup de gens qui ont perdu une heure et demie de leur vie. Bah, c'est toujours, voilà, encore une fois, plus que Patrick Normal Activité. Oui, bah c'est plus que plein de films. Hein. Oui, mais c'est pas pourtant que c'est signe de modification. C'est un peu le niveau, en fait. C'est plus que le film du mariage de ma tante, et pourtant, c'est pas pour autant que... Voilà. Je suis pas sûr que ça soit. Et donc là, Dubosc emmène Viviane dans Barry Lyndon. Ils se font virer du film comme ça, j'ai pas compris. Puis après, ils se retrouvent dans Taxi Driver, et les droogies d'Orange Mécanique poursuivent Dubosc. Ça se tient. Parce que là, pas de surprise. Hein. Mmh. Et donc là, toujours, on répète ce qu'on voit, avec en plus une vanne moyenne, réplique. Un jus d'orange mécanique, monsieur ? Oh là là ! Ouais, c'est ça, pour moi, c'est à la hauteur de Radma 1,5 STP de Philippe Lachaud dans le film Icarus. Si, même hauteur. Même ce hauteur. Film a l'air beaucoup plus drôle que ce qu'on est en train de pitcher, quand même. Enfin, est beaucoup plus drôle. Ah bah. Bon, oula, l'éditation, l'éditation. J'ai fait pareil quand je l'ai vu au cinéma. Ah, Nickerson, je pense que c'est pour apprécié. Ça. Enfin, en fait, il y a des trucs qui sont très mal faits et des trucs bien faits. Donc. Cette blague. Par exemple, on parle à 1,5 STP, pire van de l'histoire. Bon, je peux pas la défendre. Je peux pas défendre cette vanne, c'est vrai. Mais Chevalier du Zodiac, celle-là, je l'apprécie parce que je pensais que ça allait être la seule. C'est la première. Du coup, je fais ah, drôle. Après, il y a Dorothée et tout. Ouais, c'est bon, nique ta mère. Mais c'est trop. Puis après, Dubosc qui va dans Golgotha. Enfin, du coup, il est en Jésus-Christ. Et puis, il retourne dans la vigne. Mais là, il n'y a aucune incidence puisque on lui balance de l'eau comme ça. Et donc, du coup, il retourne dans la vie normale. Et il a des sous-titres. Il nous attrape toujours une sorte de maladie, il part quand japonais et il a des sous-titres. En fait, j'espère tellement qu'à un moment tu vas arriver, tu vas dire révélation. Et en fait, depuis le début, c'était un épisode de Camoulox. Alors, moi, j'espère. Attends. J'espère vraiment qu'il va dire à un moment, bah j'ai fini. Là, Dubosc, il devient, là, Dubosc, il devient Tarzan. Et là, des images documentaires de crocodiles et de tigres sont intégrées au film pour faire genre. Putain, sacrée nature quoi. Ah ouais, c'est volé en tout ça. C'est très peu payé par la période Max. Hein. Alors après la période Tarzan, parce qu'on arrive à la fin, alors je me suis réveillé au moment où Viviane est en danger avec Pef. Elle est pendue. T'as raté de si bons moments, qu'est-ce que t'as fait là? Ouais, putain, merde. Et j'ai pas eu le courage de revenir ça 5 minutes avant quoi. T'as sûrement raté un autre film incroyable entre temps. Et donc Viviane est en danger et Dubosc va la sauver en pétant la gueule à des peluches de tigre. En gros, pour faire vrai, en fait c'est des tigres mais c'est mal fait, donc bah, avec le peluche, tout est raide. Et donc il enlève Sissi qui s'appelle Viviane et là gros combat contre Pef Ambiance Les Duellistes, d'ailleurs, bon, le film référence était Les Duellistes. D'accord. Et là, il ne reste qu'un quart d'heure, donc je suis content, j'ai marqué. Et bim, Dubosc plante PEF. Et j'écris en majuscule enfin. Mais c'est pas la fin du film. Ah merde. Ouais. Ah, mince. Puisque là, Dubosc, il ramène Sissi dans son film. Donc, enfin, Sissi qui s'appelle Viviane, mais dans le film, oui, Sissi, au mariage, ouais. Et il se prend le vent de sa vie, et il fait son retour dans la vie normale, et part en petite dépression. Et se suicide, et c'est la fin du film. Non. Il va voir Sissi le film au cinéma, mais dans la vraie vie. Et donc là, je trouve que c'est un peu méta, donc je trouve que c'est intéressant. Mise en abîme. Et là, en abîme. Mise en abîme, ouais. Ouais, c'est ça, en abîme. Mise en abîme. Et là, Jamel Debbouze qui arrive dans le film, il commence à jongler contre Zidane. Avec ses deux mains. Quoi? Ah, c'est une fiction. Hein. Donc il va voir Sissi le film au cinéma, il voit qu'elle est triste, et donc Dubosc il devient Zorro, et il fonce pour rejoindre Sissi, et il vient la repêcher. Oh putain. Et donc, et après ils repartent dans l'univers d'Aladin. Ah. Et là c'est bientôt la fin. Et je voudrais marquer 2-3 petites répliques de fin, puisque le film se finit par des phrases du genre « Cinéma ou réalité, le seul monde qui compte c'est l'amour ». Ça c'est Yann Max qui a écrit ça. Nous avons tous une princesse qui nous attend quelque part. Et la dernière phrase, enfin le dernier fait qui se passe, c'est qu'il part prendre un apéro dans Kung Fu Panda. Ouais. Non. Et si. Il dit que... Non, c'est faux. Si. Non, c'est pas faux. Il dit, bah, je dois te laisser, je vais prendre un apéro à Kung Fu Panda. Genre, du coup, Kung Fu Panda. Aucun. En Chine, en fait. À Pandaria. Genre, mais même Blizzard a fait un effort de changer le nom, tu vois, alors que... Faire un quoi? À changer le nom. Pourquoi tu veux faire un effort pour changer le nom? Ce film est mal foutu, c'est mal foutu, y a pas de rien qui est fait là-dedans. Non mais Kung Fu Panda. Non mais attends, est-ce que j'ai compris, genre on voit des images de Kung Fu Panda du coup? Non, il dit juste je dois te laisser Pierre Richard, je suis au téléphone, je vais prendre un apéro à Kung Fu Panda. D'accord. À Kung Fu Panda. Mais le mystère c'est, vous pensez ils ont eu des droits pour tous les films dans lesquels ils s'incrustent? Oula. Ouais, je pense. Je pense qu'il a réussi à choper les droits parce qu'il a eu énormément de pognon après Podium, genre vraiment beaucoup quoi. Mais il s'est dit vraiment, je vais faire le meilleur film du cinéma. Erreur, vaste erreur. Cinéma. D'ailleurs, je viens de voir par rapport à PEF, je sais pas si tu vas en parler ou pas après, mais genre, tu sais, par rapport à la fin de sa carrière. Bah, il a fait Les Profs aussi. Il a fait Les Profs. Mais il a fait Les Profs 2 et après il a fait Gaston Lagaffe. Ouais, mais il les a réalisés quoi. Non, mais voilà, ce que je veux dire, c'est qu'il a juste en sauf qu'il fait des millions d'entrées quoi. Ouais, c'est vrai. Bah, ça marche avec le jeune public en ce moment. Mais Gaston Lagaffe, c'était pas si mauvais. Non, mais par contre, ça fait un four, je crois, Gaston Lagaffe. Ouais. Et vous l'avez vu? Et pour l'instant, je l'ai pas vu. Bah, moi, j'ai trouvé. Moi, j'avais. Ah, ouais, j'avais envie de le voir en vrai parce que ça a l'air pas mal, tu vois. Genre, j'aurais préféré voir ça que le cinéma. Moi, je préfère. Moi, je veux que les réalisateurs françaises laissent les BD franco-belges tranquilles, quoi. Mais après, je tiens à dire que le défi a été excellemment respecté par Lucas. Il a, je lui ai dit, le pire film de 2019, pardon. Je pense que je l'ai trouvé. Ah, moi, j'hésitais à prendre celui-là parce que. Une envie, petit cinéma, quand même. Petit tour de table, une envie de voir ou revoir ce film? Moi j'ai envie de le revoir. Mais déjà ton résumé m'a fait pire que Twilight 5, donc Alors pire non, parce qu'il a duré une heure de moins quand même. Et pourtant, je suis plutôt autant fatigué. Revoir ce film? J'adore ce film, ouais. Fascinant. Absolument jamais. Absolument jamais, nickel. Moi franchement je suis sûr que je me taperai des barres devant. Non. Oula, vraiment. Non, c'est une merde son nom. C'est vraiment. C'est le truc de qu'avait fait Karim Debbache là, tu sais, où il citait tous les noms de films et d'animés et tout. Genre tu sais son sketch à la con là, sa blague, sauf qu'avec des mauvais trucs quoi. Bah, ouais, oui. De très mauvaises blagues. Mais sauf que, enfin non mais là. Et Man, c'est vraiment un four, enfin c'est. En 2009, il y avait aussi Dragon Ball Evolution, les gars. Ouais, j'ai vu. Ah, oh putain, pourquoi j'ai vu ça? Mais qui est moins pire que. Que Cinéman? Ouais. Vraiment. T'es sûr? Sûr. Bah, c'est ouais, je l'avais noté, hein. J'avais parce noté. Que... Je sais plus si j'ai les notes. Il a eu combien Cinéman sur le site? Il a eu 1,6. Ouais, 1,2. Dragon Ball Evolution a fait le truc. Et 2,3 sur 10, c'est pas pareil. Cinéman, c'était voté par des gens casu. Dragon Ball Evolution, c'était par les gros weeb qui sont sortis. Trahi, il est 0,9. Mais oui, c'est terrible. Dragon Ball Evolution, le film est de 2009. Alors, 0,9 sur Allociné. 0,9. Oui, mais c'est 0, oui, bah, ils ont mis une étoile à chaque fois. Quoi. Mais du coup, ayant bossé sur les commentaires Allociné de Cinéman, il y en avait qui mettaient des 5 étoiles pour contrebalancer ceux qui mettaient 0 étoile. Oui, et en disant, genre en mode, ah, mais qu'est-ce que vous attendez en voyant une merde comme ça? Vous pouvez mettre 0 étoile et après vous fermez vos gueules. Ils adorent. C'est le préféré. Les pires. Bon, du coup, parce que là, t'as celui de Cinéman, ouais. J'adore que tu parles de ce film. Je voulais qu'on en parle dans ce podcast. Ah ouais, bah, c'est fait. Un des films qui pas de, pas deux fois, par contre. Pas deux fois. On peut en parler toutes les semaines. Ouais. Du coup, si on part sur des films de super-héros, Cinéman, on repart dessus. Hein, Bah oui, c'est le meilleur. Ouais. Non, mais Yann Moix, terrible ce mec. En fait, c'est un mauvais journaliste et un mauvais réalisateur. C'est ça, c'est ça. Genre, il. Une mauvaise personne. Il ressemble à ça, alors c'est très peu radiophonique, mais il ressemble à ça. Il ressemble, on lui met une moustache, il ressemble à Eggman. On lui met une moustache, il ressemble à un cowboy avec un chapeau. En plus que Pep, c'est vraiment, les costumes sont comme ça. Pep, c'est vraiment genre le 4e ou 5e choix, genre, parce que vraiment, il a vraiment fait tout son agenda. Même Dubos, ça devait pas être Dubos. Non, ça devait être, oui, ça devait être Poulvord à la base parce que c'était Podium. Ouais. Et Poulvord a fait va te faire enculer. Je crois qu'il a pas aimé Poulvord. Mais est-ce qu'avec Poulvord, ce serait pas mieux passé? Ça aurait été absolument désolant. Non, mais ça aurait fait jouer là-dedans. Oui, non, mais oui, mais ça aurait été moins pire que Dubos. Mais je pense que Dubos, c'est immonde quand même. Je crois qu'il va bien dans ce film, Dubos. Il colle au truc. C'est nul. Tous les rôles de merde, ils collent bien. Ouais. J'ai pas de. Non, je vois pas Poulvord dans film par exemple. 2009, c'est le climax de sa carrière, hein, vraiment, avec Cinéma, hein, du Pascal. Vraiment. Ah non, il a fait. L'apogée. Il a fait Camping. Non, je sais plus quel. Bah, ça a bien marché, il y en a eu 3. Hein. Bah oui, ça a bien marché. Ouais. Fabien Antoniente, il aime bien les films. Hein. C'est de la merde et que ça continue jusqu'à pendant 15 ans quand même. Bon. Il parle de faire une suite d'ailleurs de Cinéma. Non, pas du tout. Putain, j'aurais été sauce. Tout est faux. Je peux éventuellement faire ma chronique, les commentaires Allociné, voilà, YouPorn, parce que ça tombe sur Cinéman. Bah vas-y. Vas-y, Pierre Spano, ouais. Premier commentaire, les dialogues sont d'une nullité rare. Attendez, la réponse. tu vois le concept, ok. Dis c'est Allociné ou YouPorn. Ou porn. J'ai fait un mix des deux. Ah, il y a de la recherche. Succès, monsieur. Je fais 4 pauses dans le cinéma. Les dialogues sont d'une nullité rare, les acteurs sont en roue libre, les décors horribles et alors mention spéciale aux couleurs. Cinéma, arrête. Ouais, c'est vrai, c'est cinéma. Ah, même le pire film porno est mieux que cinéma. Dialogue pas à la hauteur et essoufflement sur la longueur. Cinéman aussi, Cinéman. Ouais, Cinéman. Ouais, Cinéman. Hein. Ouais, Cinéman, ouais. Ça me laisse un goût bizarre en bouche. Vas-y, Cinéman. Ouais, Cinéman aussi. De bonnes idées, de bons moments, mais un ensemble trop mou. Putain, mais Cinéman. Ah, le bonheur est trop lourd. Ah, yes. Et j'en ai encore 15 comme ça. Au fait, ok, j'ai peut-être une bite moyenne parce que j'ai pas de chance à la naissance, mais je fais toujours jouer les filles. Pornhub. C'est bien. Kylian, ça. C'est Kylian 83 qui vient d'écrire, merde. J'aurais aimé Cinéman, bon. Petite confession. On met un peu de temps à se plonger dedans, mais c'est ce qui en fait toute la beauté. 5 étoiles. Mais y a pas d'étoiles sur Cinéman, du coup. Même si y en avait une... Pas 5 étoiles pour un film porno. Ah, Cinéman. Sur YouPorn, 100 étoiles. Yann Moix, ouais, Yann Moix 13, genre qui a commenté. Ouais, voilà. Ça, Non, c'est sur Pornhub. Putain. Ouais. Ouais. Et il a mis 5 étoiles en. Ah, il a marqué. Ah, il a quand même marqué 5 étoiles. Oui, c'est pour ça que je le dis. Le mec prend des hubs, vraiment. Fait à bord. Tout ça a du charme, j'ai souri avec le Tarzan, j'ai bien. L'orbit. Non, mec, t'as pas trouvé une parodie porno de Tarzan. Moi, je dis porno pour l'audace. Avec Brandon. Non, c'est bien Cinéman. Avec Johnny Depp. C'est bien Cinéman. Il a souri. Oui, il a juste souri, ouais. Bah, c'est un AVC, sûrement. Ouais. Ouais, et je finirai par dès que l'on a pris connaissance du film, on comprend notre douleur. Ah, bah, Cinéman de ouf. Cinéman. Ouais, bien vu. Bah, on comprend. Hein. En fait, t'as fait un seul porno en fait. Ouais. Ouais. En fait, c'est Catherine Retour, c'était vraiment sur les. En fait, c'est pour aller sur Allociné. Ouais, c'était. C'est dit Cinéman. Il a vu une photo d'Yann Moix, c'était pour. Putain. Pour besoin perso, enfin, je vois pas le. Besoin perso, quoi, c'est tout. Sacré Yann. Bon. Non, mais sert pas à enculer. La roue magique. Bah, je pense. Allez, sur une note de 1 à Eternal Sunshine. De Happy Birthday. Non, non, pas de Happy Birthday. Vraiment, j'aurais plaisir de voir les deux d'affilée, vraiment. Si, t'as un pire film qu'Happy Birthday. À part le cinéma. Ah, t'as vu le film qu'on a fait. Ah, par contre, faut pas prendre l'année, quoi. Ouais. Un pire film que cinéma. Non, ça existe pas. De tous les temps, mais si, arrêtez. Parce que je pense que ça existe quand même. Ah, non, mais il est terrible. Genre. Mais là, justement, c'est bizarre, c'est entre la limite, entre le nanar. Oui, voilà, c'est trucs comme ça. Parce que le nanar, bon, ben, The Room, mais The Room, voilà. C'est génial. Non, mais là, ça a pas l'air. C'est génial parce que c'est génial parce que. Il y a des rebondissements et tout, il y a des trucs. Ouais, mais en tant que nanar, là, c'est vraiment. C'est la limite. Voilà, pour moi, ça, c'est le pire film. C'est le pire film à chaque parce que c'est pas encore nanar. Tous les films de Michel Haneke. Sur une échelle entre le podcast qui dénonce. Sur une échelle entre Twilight 5 et Happy Birthday. Mais non, mais même pas. Mais même pas. Franchement, Révélation, révélation. Révélation, mec. C'est non, rien pour la fin en soi, c'était pas mal Twilight 5. On devait juste noter sur 10. Juste noter sur 10. Non, mais nouvelle chronique, trouver un film pire que Cinéman en fait. Chronique la plus longue des podcasts français. Pour moi, ça, c'est le pire film de l'humanité. Non, non, en vrai, c'est Star Wars. Non. Mais non, mais c'est il y a au moins du pognon quoi. Ouais. Alors, Cinéman aussi il y a du pognon, ouais. Je sais pas combien, mais. Non, mais c'est aussi, il y a au moins un pire film que Cinéman, mais carrément. Je suis pas sûr. Ouais, personne l'a vu, ça doit être tellement. 22 millions d'euros ce fils de pute de Yann Mox. 22 millions d'euros ouais, pour faire ça. Ouais. Mais il a utilisé combien hein. Bah, à mon avis, c'est genre tout dans les droits. Il a utilisé 20. Ouais, c'est tout dans les droits, je pense. Tous les droits, rien dans le. Ah non, au scénario, il a dû bien les payer quand même. Ah oui, non. Du boss qui a dû prendre un cachet d'enculé. Bon, c'est le quatrième choix, je pense. En gros, le podcast qui dénonce. Non, mais pour moi, ça, c'est le pire film de l'humanité, un cinéma. Non. On n'a pas fait pire. Bon, bah, j'essaierai de trouver. Ah, non, bah, tu peux. On peut rester sur cinéma, franchement. Bon, bah, du coup, cinéma tout en bas de l'échelle pour l'instant. Ouais, cinéma tout en bas de l'échelle. Donc maintenant, l'échelle, c'est de cinéma à. Après, moi, je le trouve génial pour ce qu'il raconte. Enfin, vraiment, tout le truc derrière de. C'est un film foiré et que. Et que c'était redoublé et que c'est une, ouais, mais en tant c'est une immense merde. En tant que film, à regarder. Ouais, mais c'est comme un nanar, tu vois, il y a tous les trucs autour, quoi. Ouais, mais pour moi, il franchit pas encore la barre. Il franchit pas la barre du nanar, quoi. Non. Il est juste nul. Ton nanar préféré, Julien, en deux mots. Bah. Ouais, The Room, c'est vraiment bien, quoi. Après, il y a Whitefire que j'aime beaucoup. Qui est un porno, enfin, pas un porno, mais un film incestueux. Il faut. Un peu bizarre. Il faut qu'on se regarde La Valentula. La Valentula, incroyable. Il y a de l'espoir. Ça oh là, ça a l'air tellement bien. Et le 2 qui s'appelle Tout Lava, Tout Lentula. Vraiment en référence à Tout Fast, Tout Furious. Donc si c'est pas du foutage de gueule. C'est génial. Bah, yes. C'est génial. Oui, c'est. Ça qui va se taper au prochain truc. Ah, vraiment, ouais. Putain, moi j'aimerais trop. Ah ouais? Tout Lava, Tout Lentula, les gars. Ah bah écoute. Ah ouais, mais juste le 2. Juste le 2, je regarde pas le 1, pas besoin. Ah, le 1 a pas un titre assez bien, quoi. Alors que Tout Lava, Tout L'Enculé. Bah déjà pour avoir vu des extraits, ça a l'air mieux que on a vu Cinéman. Minutes, genre ça a plus de. Quoi? C'est un nanar en vrai. Mieux que Cinéman? Non, je te crois pas. C'est foutu. Bah ça existe pas, on sait très bien. Mais. Bon bah du coup, je pense qu'on passerait pas au deuxième participant. Allez, c'est parti. Sans tricher. J'ai envie d'applaudir. Encore une fois. À l'applaudissement, on n'a pas fait gazer le micro. Ouais, c'est top, c'est bon. Il est parti en couille, attends la vie, mon montage, vous avez essayé les oreilles. Mais non. C'est pas nous qui saignons. Alors moi, c'est beaucoup plus sérieux que Lucas, hein. Je suis désolé, je faisais un film de 2009. Donc je vais vous faire d'abord deviner, donc j'ai fait deux sortes de mini. Après, il faut savoir que t'as pas vu ton film. Hein. Moi, ce que t'as pas eu le temps de prépa. C'est qu'à chaque fois, vu que Kylian il a pas envie de se mater un film de merde et que. Genre, mais lui, il se fait plaisir à chaque fois. Ouais, c'est du coup, en fait, on attend vraiment un truc genre intéressant, tu vois. Donc, Attends, l'année dernière, enfin, la semaine dernière, je m'ai fait chier parce que pour regarder Les Amours Imaginaires. En vrai, il a pas le choix. Non, mais il avait pas le choix. Il a fait La Roue Magique et est tombé dessus. Non, je te jure, j'ai choisi au synopsis. Et encore, je voulais John F. Donovan. Mais ouais, c'est pareil, synopsis par défaut du défaut, ok, d'accord. Ouais, pas de soucis. Bon bah écoutez, bah, vas-y Kylian. Alors c'est parti, donc en premier, donc pour faire deviner mon film, j'ai deux différents trucs, vous allez c'est voir. C'est sorti en 2009. Mon premier est un film sorti en 2008 aux USA, mais en début 2009 en France. Ah bah... Ça compte. Tu casses déjà tout. Qui est sorti le 14 janvier, pardon. Ah mais oui, mais c'est... Ah non, je sais pas. Ah putain, c'est... 14 janvier. Tu vas mon second est un film avec Attends. Ah, ok. Attends, en train de faire une charade, j'avais même pas compris, tu sais. Ouais, mon second est un film avec Will Smith. Bah, After Earth. Non, 2013 After Earth. Sérieux ? Ouais. Putain, mais tu connais la date d'After Earth. C'est pas, parce que c'est bizarre. Non, parce que je viens de regarder le succès de After Earth. D'accord, ok. Mon troisième est un film dans lequel son fils ne joue pas. Mon tout est le nombre de vies d'un chat. Ah, c'est 9 vies. 9 vies ? Non. 9 vies un chat. C'est bah si, c'est 9. Si, non, c'est 7. 7 vies. Ah oui, ah ouais, c'est 7. Ouais, c'est 7. 7. J'en ai un deuxième. Tu prends pas mon. Mon premier est en deux mots. Mon second est le nombre de salopards moins 1 de Tarantino. Ou non, encore le nombre de vies d'un chat. Ou encore le nombre de nains qui suivent Blanche-Neige. On a compris. Mon second est le contraire de mort. Oui, c'est vrai. Mon tout est à fait. J'ai 7 merveilles du monde. Donc c'est 7 vies. 7 vies. Le film, c'est 7 vies. Bah tout le monde l'a vu là, du coup, pas besoin. Vous l'avez vu ? Bah non. Non, pas du tout. Vu toi, tu l'as vu Ah non, c'est bon, j'ai pas vu cette vie. Non, franchement, si tu l'as vu, on va. Franchement, oui, je l'ai vu. Toi, tu l'as pas vu? Non, je l'ai pas vu. On va t'écouter. Faire bah, ouais. Ok, bon, bah très bien. Pas joué Wikipédia. Cette vie, non. Ah, le salaud. Cette vie en. Synopsis détaillé, on va le lire. En anglais, c'est 7 pounds. Ok. Vous comprendrez, c'est un. Rapport cette vie à 7 pounds. Ah, mais du coup, vite fait, juste avant, question. Pourquoi tu l'as choisi? Est-ce qu'il y a une raison ou genre juste. Pourquoi? Bah, la raison pourquoi j'ai choisi, parce que déjà, ce film, je l'avais déjà vu, et franchement, les films de 2000... Tu ne le remets pas, enculé, à chaque fois, non, non, je te jure, parce que vraiment, genre, parce que j'avais envie de me le remater, enculé. À chaque fois, j'avais envie de me le remater. Tu l'as pas rematé, le film. Je l'ai regardé hier soir, d'ailleurs, et comme j'ai dit à Lucas dans la voiture, c'est que j'ai vu pas mal de films de 2009. Et tu m'as dit, j'ai hésité entre Inglourious Basterds et cette vie. Ouais, voilà. Mais parce que franchement, franchement. Je chaud, me suis dit, non, mais parce qu'en fait, je connais pas assez Tarantino pour pouvoir sortir quelque chose de potable. Et comme vous et tu connais plus pas mal. Quoi ? Tu connais plus le réalisateur de cette vie. Non, mais c'est juste que j'ai pas voulu me tenter dans un terrain que vous connaissiez beaucoup. Parce que, genre, je me suis dit, je vais me retrouver vite acculé, vite dans la merde. Et que je suis déjà assez dans la merde comme ça pour me remfoutre dans la merde tout seul. D'accord, ok. Donc, au niveau du résumé, donc en fait, la cause de. Enfin, à un moment, un jour, il était là, il lisait un message dans sa voiture au volant. Ben Thomas, Will Smith, il cause la mort de 7 personnes. Appelle-le Will Smith. Will Smith, ok. Il cause la mort de 7 personnes, parmi lesquelles il y a sa femme aussi. Dans un accident de voiture. Voilà. D'où l'explication. À cause d'un message film. Au volant, pour ça, un message au volant, merci. À cause de un message au volant, pardon. Elle est en train de le. À cause de la mort de 7 personnes, ainsi que de sa femme sur le coup. Il va donc prendre le rôle d'un agent du fisc, entre guillemets, parce qu'il n'est pas vraiment. Il va tenter de changer la vie de 7 autres personnes, mais à sa manière. Donc, par exemple, là, donc, j'ai fait la liste en fait, des personnes qu'il va sauver. En premier, il va sauver son frère en lui donnant un poumon. En deuxième, il va sauver une femme qui se nomme Holly en lui donnant une partie de son foie. À un petit qui était en galère de ouf, il va lui donner une greffe, il va lui faire une greffe de moelle osseuse. À un vieux, il va lui faire une greffe de rein. Il a plus d'organes. C'est le but du film. Et à une femme battue, en lui il offrant sa maison. Parce qu'il plus rien. Non. Il offre sa maison. Il offre sa maison de plage que lorsqu'il était un riche ingénieur. Ouais. C'est écrit par Ian Mox. Franchement, c'est excellent. Et il genre, lui offre un tweet parce que voilà. Il va juste. On faisait une crise d'hypoglycémie. Il va donc offrir sa maison en face de la mer et tout à une femme qui se faisait battre par son mari et qui a envie de s'en sortir au bout d'un moment. Et enfin, donc. Emily Poza qui est jouée par Rosario Dawson, je sais pas si vous connaissez. Ouais. Voilà. J'adore son rôle dans Kids. Ok, rien à foutre. Il tombe amoureux, mais sauf que, enfin, elle a un problème au cœur et tout. Et il rencontre aussi un homme aveugle par téléphone, tout ça. Et en fait, ben pour sauver ces derniers, pour. Est-ce que la fin est prévisible? Franchement, non, parce qu'en fait, je vais vous expliquer pourquoi. Ouais. En vrai, oui et non, je t'assure que oui et non, c'est très. Voilà. Est-ce qu'il continue à donner des ordres? Bah, en gros, genre, voilà, pour les deux derniers, Emily Poza, donc, qui est joué par Rosario Dawson, et l'homme aveugle qui est joué par. Vous savez, le gars d'Insaisissable. Bon, il a pas fait que ça, mais il est connu aussi pour ça. Bienvenue à Zombieland, par exemple. Oui, Bienvenue à Zombieland aussi. Qui était sorti en 2009, non? Ouais. Bienvenue à Zombieland, ouais. Ressort, en gros, bah, sauver ces deux derniers, il va du coup se suicider, ce qui permettra de faire une greffe du cœur et des rétines aux deux personnes. Mais enfin, il fait pas ça juste comme ça en fait. Il utilise son rôle d'agent du fils pour vérifier si les personnes sont des personnes bien, si elles méritent d'être sauvées, parce que tout le monde mérite d'être sauvé. Mais elle va faire gaffe pour savoir si vraiment, genre. enfin qui meurt pas en vain parce qu'il a, il a tué 7 personnes innocentes, il veut justement rendre sa vie à 7 personnes innocentes aussi. Et donc du coup, et parce qu'aussi il est d'un groupe sanguin rare, et du coup ben c'est pour ça que ça pose certains problèmes. Je comprends rien. Je suis un homme. Surtout qu'il attend de faire des votes depuis tout à l'heure. Est-ce que vous voulez que je fasse un résumé en 3 minutes? J'attends qu'il ait fini ton résumé. C'est ça, c'est que Will Smith, il a tué cette personne. Avant, il avait une super belle vie, il était ingénieur, tout ça, trop bien. Sauf qu'à cause d'un message au volant, il va avoir un accident de voiture et il y a 7 personnes qui vont mourir. Il va devoir faire des gens. En fait, il arrive au bord de la dépression parce qu'il s'en veut de ouf pour ça, tu vois. Et sa femme? Sa femme est morte aussi. Et du coup, il essaie de se racheter, en gros. Et en gros, voilà, il essaie de se racheter, mais genre, il est tellement en dépression qu'il va essayer de faire quelque chose de bien de sa vie et changer sa vie du tout au tout pour... Et du coup, voilà, et donc, c'est pour ça qu'il va sauver, en quelque sorte, la vie de 7 personnes. Ouais, il va donner 7 vies, en fait. Il va donner 7 vies. Et c'est là que le titre du film prend tout son sens. Film engagé, c'est cool. Non, mais voilà, franchement, moi, j'ai adoré ce film, voilà, au niveau du... Attends, résumé, et la fin, du coup. Bah, la fin, en fait, c'est que, au début, tu le vois, en gros, au début du film, tu le vois se suicider, mais tu sais pas pourquoi. Ouais. Et en gros, ça va retracer tous les trucs avec quelques flashbacks de pourquoi il fait ça. Ah ouais, donc c'était tous des enculés, et du coup, il se suicide. Non, c'est pas ça, c'est juste qu'en fait, bah, pour pouvoir donner tes rétines et ton cœur. Et ton cœur, il faut que tu sois mort. Parce que tu peux faire un bon cœur. Non, en vrai, cinématographiquement, c'est pas ouf. Mais c'est super bien amené. C'est devenu cool parce que le scénario est touchant, en fait. Ouais. Le scénario est vraiment touchant parce que... Oui, c'est cool. Pour de vrai, c'est cool. Franchement, oui, cette vie, pour moi, dès que tu demandes Will Smith à quelqu'un, la plupart du temps, c'est cette vie qui sort. C'est ça le truc, c'est ça qui est... Je viens de voir sur la toile, il est écrit « Ce film est culte ». Non, par contre, il a été pris... Alors, il n'a pas fait un flop au box-office, il n'a pas fait un flop total, hein, mais il a c'est pas un des plus gros succès de Will Smith. Est-ce que t'as les chiffres? Oui, j'ai les chiffres, mais je les garde pour après. Okay. moi, quand je tape Will Smith film, c'est À la recherche du bonheur, d'abord. À la recherche du bonheur, qui est sorti il y a un an après, ou deux ans. Pour moi, le film culte de Will Smith, c'est juste une légende. Mais d'ailleurs, c'est le même réalisateur à la recherche du bonheur et... À la recherche du bonheur et... comment ça s'appelle? Et cette vie. Et cette vie, c'est le même réalisateur. Mais d'ailleurs, c'est parce que... dans le film... La recherche du bonheur, c'est mieux. Ça sera mieux. Bah non, je l'ai pas vu moi à la recherche du bonheur, mais j'ai très envie de le voir. C'est ultra touchant avec son fils et tout, mais ils jouent un peu pareil en fait. C'est un Will Smith touchant, tu vois. C'est un Will Smith. Ah oui, mais c'était Will Smith à l'époque où il avait fait le film sur la boxe aussi qui voulait l'Oscar. Voilà, c'est pas Will Smith qui fait oh. Non, voilà, oui, mais c'est long time. C'est du Will Smith. Enfin, Will Smith, il est dans un rôle qui change un petit peu de ce qu'il peut faire, des conneries, mais par exemple dans Bad Boys, des trucs comme ça, tu vois, c'est un rôle où il est un peu Will Smith vient de m'appeler, du coup il vient pas au podcast prochain. Et voilà, il change de ce rôle et il va rentrer dans un rôle de Will Smith touchant. Et en fait, c'est... Mais d'ailleurs, je sais pas si t'as vu Ryan, mais genre moi, je sais que l'histoire d'amour, ça m'a rendu triste parce que genre, il réussit à passer à autre chose, mais au final, il passe pas réellement à autre chose parce que du coup... Oui, en gros, sa femme est morte et il y a une histoire d'amour qui se fait avec Rosario Dawson. Et en gros, cette histoire d'amour, c'est que petit à petit, il va la voir en tant qu'agent du fisc en premier, puis elle va l'appeler, puis il va aller la voir à l'hôpital, puis il y a plein de choses qu'ils vont faire et ils vont créer cette relation d'amour en fait. Sauf que derrière, t'as Will Smith, lui, il sait ce qui va arriver parce qu'il a tout prévu pour ça. Et il a bien vérifié que c'était une femme bien, il a tout fait pour que ce soit une femme bien en fait. Et le truc, c'est que t'arrives à ce moment où genre il va se retrouver à devoir se suicider. Enfin oui, il couche avec elle, ils s'embrassent, ils ont un premier encart. Mais il est un peu à l'écart quand même. Non, oui, il reste distant sur la relation parce qu'en fait, c'est tout va se passer condensé dans une seule soirée. Ouais. Parce que jusqu'au dernier moment, elle croit qu'il va revenir. Et c'est ça, et en fait, il y a cette scène moi qui m'a touché, enfin vraiment touché, c'est que elle se réveille, elle voit que son badge pour pour le cœur, tu sais, t'as toujours un badge pour le cœur pour quand ils t'appellent, quand ils en ont un. Le badge pour le cœur sonne, et là elle se retourne et elle voit qu'il est pas là, tu vois. Et t'as cette scène, donc 5 minutes après, où t'as le frère de Will Smith qui va venir, qui va lui dire voilà, en fait, depuis qu'il a eu cet accident, sa nouvelle raison de vivre, ça a été d'essayer de sauver des gens et ça a été de redonner la vie à certaines personnes. Et voilà, en fait, ça a tourné à l'obsession, mais une obsession positive. C'est juste un gros stalker en fait. Ouais. Non, oui, en vrai oui, parce qu'il a utilisé son image du fisc pour stalker beaucoup de gens, beaucoup de personnes, tu c'est vois. C'est vrai qu'au début, on croit que c'est un stalker. Sur le début, tu dis c'est un salaud quand il appelle. Par exemple, à un moment, il appelle l'aveugle, il lui dit des saletés. Enfin, je suis si vieux. Il lui dit des conneries, tu vois. Il se moque des aveugles, il se moque de lui et tout ça. Et à la fin, il y a une scène où il s'excuse vite fait, tu vois. Genre, il appelle au téléphone à la fin, tu vois. Parce qu'à un moment, genre, il pète un câble vraiment contre un aveugle. Genre qui était ultra gentil avec lui, comme The Fantasio en fait, 9-7-4. Genre il lui dit. Mais c'est pas toi qui décide. Mais c'est pas toi qui décide, genre vraiment, il lui dit comme ça. Il était gentil comme Fanta ou il pète un câble Il pète un câble comme Fanta. Il a vraiment pété un câble. Moins de droite par contre, moins de droite du coup. Presque autant de droite au moment où il lui parle. Ah ouais, quand même. Et du coup, par contre, pour s'excuser, est-ce qu'il fait la scène dans Love Actually avec les pancartes? Non, il fait. Ah putain, mais il voit pas, merde. Non, il fait ça. Bah pour s'excuser, il a écrit une lettre, sauf qu'il est mort du coup, il s'excuse. Ah non, avec lui, il l'appelle au téléphone. D'ailleurs, sa façon de se suicider, dans la liste Sens Critique des meilleures façons de se suicider, je pense qu'elle est en top 2. Ouais, top 3, en gros, genre, avec la mort de de Clo-Clo. Voilà. Ouais, d'accord. Pour vous expliquer, en fait, c'est genre. Il a loué une chambre d'hôtel pour plusieurs semaines, le temps qu'il fasse tout ce qu'il avait à faire. Et en gros, il a pris une méduse qui est la méduse la plus vénéneuse au monde. Non, écoute bien. Et en gros, genre, il la met dans un. Il la met dans un. Et il se met dans un bac, enfin, dans une baignoire où il met plein de glaçons pour garder son corps froid, tu vois, pour rien perdre de son cœur. Et il fait tomber la méduse, et là t'as vraiment la scène où la méduse l'attrape. Enfin, le suicide est beau. En parler, c'est nul. Mais le suicide en lui-même est beau. Mais regardez-le, les gars, regardez-le. Regardez comme j'ai vu Peggy Sue finalement. D'ailleurs, en parlant de ça, comment Peggy Sue, c'est le meilleur film du monde. Petite pépite. Non, mais voilà, moi je trouve que cette vie vraiment genre. C'est le premier film de Will Smith que j'ai vu qui était dans un Will Smith un peu particulier. C'est quoi? j'ai pas vu. Faudra que je le regarde. Chose, ouais. Non, voilà, et genre, c'est vraiment le premier film, et ça m'a touché. C'est un film que j'avais vu il y a un ou deux ans où, genre, je me suis dit, ben franchement, c'est super bien. Et après, Je suis une légende, pareil. Franchement, je le classe quasiment au même niveau que Je suis une légende. Et au niveau suicide, suicide tout le temps en fait. Voilà, Tu le classes où au niveau suicide? Au niveau suicide, Je suis une légende au-dessus de. Bah, encore eux. Au-dessus de cette vie. Encore eux. Non, mais Je suis une légende, c'est. Je sais pas si c'est le fait, c'est la nostalgie ou ce genre de choses, ou le fait que genre il est vraiment héroïque à l'intérieur, ça se voit plus par rapport au danger en fait. Parce que dans cette vie, c'est juste des personnes dont on s'en fout au début. Ouais, c'est ça. Qui vont mourir d'une maladie ou voilà, d'un problème. En fait, c'est ça, c'est qu'il choisit des personnes au hasard en fait. Il fait pas de jugement de valeur. Et après, il va faire un jugement de valeur en fonction de si t'as été quelqu'un de bien ou par exemple quand tu sais, il casse la tête du mec contre une vitre. Parce que genre lui, il punissait une vieille femme. Il était directeur d'un truc, il avait besoin d'une grève de moelle osseuse, je crois. C'est le pire. Et film, il punissait, il a puni une femme. Non, il est vraiment bien. Non, franchement, il est vraiment bien. Ah bah alors, les gars, les gars. Non, parce qu'en gros, t'es un directeur de trucs de personnel. De centre hospitalier, quoi. Vous refaites le speech à chaque fois. Ouais, alors en fait, parce qu'il y a un directeur. En fait, c'est pour rajouter des détails. Il a tué 7 personnes. Enfin bref, dans Je suis une légende, c'est juste qu'il y a des zombies. Du coup, tu dis, il est vraiment héroïque parce que la menace, genre, ça menace toute la Terre. Le chien. Après, j'avais dit que c'était un chef d'œuvre, Je suis une légende. Et Sam. Si on trouve Je suis une légende, Sam, ça va briser le cœur. Est-ce qu'on va aimer ce film? Voilà, oui. C'est pas le même style du tout. C'est pas le film du siècle. C'est pas le même style du tout. Non, mais Je suis une légende, moi j'ai trouvé que c'était oui, mais sympa, c'est super bon. Film à regarder, genre même entre potes. Oula, il y a un chien qui meurt, c'est bien, ouais. Non, franchement, moi, la scène de Samantha qui meurt, j'avais larmes aux yeux. Puis il y a Will Smith qui joue pas mal, voilà. Will Smith il joue bien dans la plupart des films. Ça t'a pas dérangé de voir. Non. Moi je trouve que Will Smith il joue bien dans la plupart des films. Will Smith ne joue pas bien. Non. Will Smith c'est pas un acteur qui joue bien. Dans quoi vous trouvez nul? Aladdin. Ouais. Bah non, ouais, ouais. Dans Suicide Squad. Non, mais oui, mais dans voilà, Hitch. Vous dans Hitch aussi, ouais. Dans Hitch, oui, Hitch, oui. Dans Focus, il joue mal. Dans Independent, non, il joue bien, mais pendant que vous avez. Vas-y, continue. En Coq, il joue mal. Dans Coq, ouais, il joue mal. Et Robot, une purge. En Coq, il joue mal. Bad Boys, c'est le pire film de l'histoire. Right. Attends, il y a Bad Boys 2 aussi. Et Robot, il joue mal dedans. Et Robot, moi, j'aime bien. After Hours, bah voilà. The Wild Wild West. Ouais, ouais, ouais. En fait, il joue mal, Will Smith, c'est tout. C'est une bonne personne, mais. Moi, j'aime bien, franchement, j'aime bien. Enfin, c'est une bonne personne qui calme sa femme. Bon, alors. Quoi? Parce que tu sais, elle avait crié aux Oscars en mode ouais, les acteurs mais, noirs. Oui, mais justement, justement, elle l'aime sa femme, quoi. Ouais. Oui, mais. Justement, c'est. Bon, par contre, c'est la reine des connasses, hein, mais juste parce que son mari, il a pas d'Oscar. Mais... Will Smith ne viendra jamais au podcast, voilà, c'est signé. Bon, mais c'est vrai. Vraiment, il a pas d'Oscar, c'est bon, on rage pas, quoi. Les gars, pas de ouais, parce qu'il sait pas jouer, c'est tout. Enfin, non, parce qu'il joue, c'est pas que c'est non, mais il a fait des bons rôles. Dans Ali, il aurait pu mériter un Oscar, mais. Oui, dans Ali, ouais, grave. The Bad Boys 2, non. Non. Men in Black joue mal. Non plus, ouais, pas Men in Black. Non, mais c'est pas un bon acteur, hein, Will Smith. Hein. Mmh. Ouais, mais la plupart des films que j'ai vus, en tout cas de lui, j'ai bien aimé. Après, ouais, c'est parce que t'aimes le film qui joue bien. T'as dit, il joue bien la plupart des films. C'est bah, dans le sens où c'est son jeu d'acteur ne va pas gâcher le film, ne va pas jusqu'à gâcher le film. Genre ouais, Dubosc. Dubosc, je suis désolé, ça gâche. Bah, il gâche pas le film, limite il embellit, hein, tellement. Cinéma, c'est non, mais là, pas forcément pour cinéma, mais camping. Tu parles pas quand même. Bah, camping aussi, c'est pas un bon film, quoi. Ouais, et on peut, si c'est devenu culte, camping, c'est grâce à Dubosc, hein, t'aurais mis un autre gars. Ouais, bah, en tout, ça aurait fait marcher sans Dubosc, hein, camping. C'est vrai, je suis d'accord. Et après, il y a d'autres films où. Après, Dubosc, c'est pas un mauvais comédien, c'est juste les rôles qu'on lui donne. Hein. Oui, mais il a un jeu. Parfois, il. D'ailleurs, ils sont en préparation d'un Camping 4. Hein. Oh yeah. Non, c'est faux. C'est possible. Non, non, c'est All Inclusive Camping 4 avec Mister Me. Non, mais en vrai, Franck Dubosc, genre. Il joue les rôles qu'on lui donne, mais genre par exemple dans Nemo, quand il double le marin, ah ouais, tellement bien ça. Bah, tu sais pas que c'est lui quoi. Et non, genre, ça c'est vrai. Et genre c'est émouvant quoi la façon dont il. Non, mais ça c'est du doublage, tu vois, c'est pas la même chose. Au niveau jeu, si, ouais. Crois-moi que c'est. Oui, mais en fait, le truc c'est qu'au niveau du doublage, t'as pas la gestuelle, t'as pas les mimiques. Et moi, du coup, ce qui m'insupporte. Si, tu les as, mais tu les vois pas. Tu les as, franchement, il a des mimiques vocales aussi, mais les mimiques physiques qu'il a ou gestuelles. C'est... Moi je supporte pas. Il y a des fois dans son spectacle où il est pas mauvais. Hein. Ah, mais j'ai l'avocat. Après, son spectacle c'est une purge, mais il y a des fois où il est pas mauvais. Je sais pas, moi il me fait rien. Voilà, ouais, j'ai pas vu ses spectacles quoi, mais il me fait rien. Ouais, bah, comme ça, enfin je sais pas, en interview ou des trucs comme ça. Alors que Will Smith, bon, il a fait quoi à part des films? Des musiques. Ouais, mais il a gagné Will Smith. Il a gagné un truc pour ses musiques aussi. Vas-y quoi. Ah, attends, je sais plus. Ah, comment ça s'appelle? Un award. Je sais pas, mais c'est pour qu'il a gardé Summertime. Ah bon? Je crois que pour Summertime, il a eu. Je sais pas, il a sûrement dû gagner un Grammy. Hein. Non. Oui, il a, il a au moins été nominé, je sais pas. Au moins. Il était dans la salle. Ouais, ça va. Hein. Non, il était devant, il négociait avec le videur. Il a peut-être laissé rentrer, on sait pas. On n'a pas l'info. Bon, du coup, ta rubrique. Je passe directement à ma rubrique à moi. Attends, toi, t'as aimé vraiment ce film? Moi, j'ai beaucoup aimé. Ça donne pas envie. Hein. Moi, j'ai beaucoup. Ah ouais? En mais fait, réfléchis sur le concept de vraiment genre. Il se tue avec une méduse, hein. Voilà. Mais voilà, oui, mais si tu réfléchis que là-dessus. Le truc, c'est que j'aime c'est beaucoup. C'est pas si choquant. J'aime beaucoup les films avec Will Smith quand il joue des rôles comme dans, par exemple, dans. À la poursuite du bonheur. À la poursuite du bonheur. En fait, parce que genre, tu sais, il est vraiment émouvant, tu vois, dans sa façon de jouer. T'es vraiment en mode, c'est un papa. Genre, le gars, t'as mal au cœur pour lui. Parce que quand il joue la douleur ou la tristesse, des fois, t'es vraiment en mode, il a une gueule, parce que t'as tout le temps l'habitude de le voir rigoler ou dans Men in Black, tu vois, il a un rôle un peu drôle. Il est surtout connu pour ça. Ouais. Et genre, du coup, quand il joue avec son fils et qu'il joue, tu sais, des rôles un peu sociaux comme ça, tu te dis, un père. Non, mais un père qui a pas de thune. Sachant qu'il joue beaucoup, Un père qui a pas de thune et qui galère, tu vois. Genre, tu te dis, vraiment, voilà. Il était surendetté et tout dans la. Et moi, je connaissais pas du tout cette vie, mais genre, juste, il y a plein de gens, des adultes en plus, qui m'en ont parlé en mode, ben moi, mon film préféré, c'est cette vie, ou genre. Mon film, j'aime bien Will Smith. Non, non, mais. À quel moment être un adulte, c'est un argument de goût en cinéma? Oui, en plus. Non, non, mais c'est pas ça, mais c'est que des adultes, c'est pas des gens de. Tu vois, c'est pas des jeunes, c'est vraiment des gens qui ont plus de la quarantaine, tu vois, qui disent ouais, j'ai beaucoup aimé. Après, la plupart, mais tu vois ce que je veux dire. Plus de films que nous, c'est pas. Non, mais c'est vous deux, mais. Pas une raison, hein. En mode, je me dis, s'il y a autant d'adultes qui ont des goûts différents ou qui sont pas forcément. Qui s'intéressent pas forcément au cinéma directement ou qui regardent pas beaucoup de films, qui ont vu ce film et qui l'ont aimé. Meurs comme Will Smith, j'ai envie de dire. Tu deviens redondant. Va te baigner comme une meuf. Genre, je me suis dit, je vais le regarder. Et ouais. Genre, il était pas ouf. En mode, genre, je me suis dit, putain, c'est excellent. Mais ça te dérangerait pas de le revoir une seconde fois. Ça me dérangerait pas de le revoir une seconde fois, tu vois. Moi, ça me dérangerait pas de le revoir, enfin, de le voir. Si je revois pas cinéma. Ouais, je vais peut-être me lancer, il dure pas longtemps. Non mais en vrai ouais, il dure 1h50 peut-être. Je sais pas. Moi quand je l'ai regardé, je crois qu'il a dépassé 2h cette vie. Aucune idée. Il dure 2h03. Oui, je le savais. Mais franchement, moi alors je sais pas, par exemple pour la durée que c'est, je les ai pas vu passer. 2h03, ça peut passer. Des fois c'est long parce que genre il y a beaucoup de moments de silence, mais c'est pas des moments de silence tu vois qui servent à quelque chose. C'est le moment de silence en mode regardez, il est torturé quoi. C'est plus ça. Ils accentuent trop ça. Et moi, j'ai eu. Moins bien fait que Dolan. Du coup. Oh putain, ferme ta gueule. Moi, je vais faire un petit peu. Excuse-moi. Ryan, je sais pas ce que tu en as pensé, mais moi, une légère critique, c'est que par exemple, ils ont très vite. C'est passé... nul. Oh là là, c'est nul. Non, non, mais par exemple, genre, ils ont vite passé sur, sur le petit et la moelle osseuse et sur la meuf battue. Genre, ils, oui, on l'a vu vite fait. Et c'est passé, ils ont beaucoup trop axé sur... c'est pas important les gens, c'est pas important les gens avec des problèmes de moelle osseuse, voilà, c'est ça, la leucémie, c'est pas important. Ouh là là. Bah, il était chaud. On a dit qu'on arrêtait. Le petit n'avait pas de cheveux. C'est fini, nous. Hein. On a eu 2-3 procès. Un avocat sur... On a dû changer 6 fois de podcast. On a essayé cet avocat de Gad Elmaleh. On enregistre en Colombie, là, pour pas se faire niquer. L'émission qui dénonce. NordVPN. Ouais, c'est un ordre. C'est notre America, bon, on est obligé de tous les citer maintenant. Tous. Tous. Saveur bière. Saveur bière, s'il vous plaît. Par pitié, Saveur bière. Bon, du coup, Kylian, ta chronique. Alors attendez, d'abord, je vais faire les répliques parce que je me fais 3 fautes à répliques. Enfin, ça s'y prêtait pas forcément, mais j'ai quand même voulu le faire pour pas couper le truc. J'ai 3 répliques, il y en a 2 fausses, une vraie. Dites-moi quelle est la vraie, quoi. Un vendeur de viande. Attends, c'est quoi? C'est 2 fausses, une vraie? Ouais. Ok, vas-y. Un vendeur de viande aveugle qui ne mange pas de viande. Non, mais c'est un sketch. Est-ce qu'au moins vous avez déjà couché avec une femme? Vous êtes aveugle et vous pensez qu'une paire d'yeux vous permettra de finir votre fille moins seule que toujours. Il se peut que j'ai pissé dans ta voiture, mais je te laisse deviner sur quelle place. Et retire ton doigt que je pèse, non? Oui, la troisième est vraie. Que je garde. La troisième est vraie. Il se peut que j'ai pissé dans ta voiture, mais je te laisse deviner sur quelle place. Ouais, parce que vous avez dit que c'est un enculé, Will Smith, dedans, genre. Je pense que la première est fausse. Non, la première, non, la première. Attends, fois, c'est bien écrit. Enfin, il y en a 2 fausses, une vraie. D'accord, j'ai fait la première. La première. Je sais laquelle est la vraie. Oui, c'est la dernière, moi. Un vendeur de viande aveugle qui ne mange pas de viande. Non, mais c'est un sketch. Est-ce que au moins vous avez déjà couché avec une femme? Non, bah la deuxième est la vraie alors. Vous êtes une aveugle, vous êtes aveugle, pardon, et vous pensez qu'une paire d'yeux vous permettra de finir votre vie moins seule que toujours. Voilà, c'est la. Et la troisième, c'est peu que j'ai pissé dans ta voiture, mais je te laisse deviner quelle place. La deuxième est la vraie. Moi, je dis que c'est la vraie. La troisième. J'aimerais bien que ça soit la troisième, mais je pense pas. Et ben, c'est la première. La première est vraie. Ouais, la première. C'est quand il est au téléphone avec l'aveugle. Il le trash talk et il dit ça et il balance encore plein de conneries après, mais j'ai pris le. Par contre, Kylian, t'as un talent d'auteur. Je sais pas si on te l'a dit, mais ouais, ouf, ta ouais, troisième, c'est quoi déjà? Il se peut que j'ai pissé dans ta voiture, mais je te laisse deviner sur quelle place. Ah, moi, ça, je le mets dans un film, ça. Ouais, direct. Yann Moix, si tu nous écoutes. J'en ai 3 autres. J'en ai 3 autres avec le chiffre 7. Je pense qu'il s'est arrêté, Yann Moix, s'il nous écoute. Mais je pense qu'il va finir dans un bar avec Méduse. Il va finir sa vie. Je pense qu'il peut s'arrêter même sans écouter ce podcast. Je pense qu'il aurait dû s'arrêter avant que cinéma, non? J'en ai donc 3 autres avec le chiffre. Attends, je pense que sa mère, elle aurait dû s'arrêter, voilà. Oula, elle aurait dû l'avaler. Donc, son père aurait dû s'arrêter. Bah, oulala. Alors, il aurait récupéré son avortement. Il y a eu des problèmes avec donc, ses parents. Pour de vrai ou pas? Oui, il a fait des livres dessus et tout. Ah ouais? Oula, ouais, c'est bon. Toi, t'es un grand fan. Oui, je lis ses livres, ouais, c'est tendu. C'est pas tendu du tout. Pas tendu du tout. C'est tendu. Du coup, j'ai quand même 3 autres trucs. Pareil, c'est toujours une vraie de fausse. Il aura fallu uniquement 7 secondes à la vie pour me rappeler à elle, alors que 7, c'est un chiffre impair. La deuxième, en 7 jours Dieu créa le monde, en 7 secondes j'ai anéanti le mien. Et la troisième, tout tourne autour du 7, si tu comprends le 7 tu auras la clé. Putain, mais il est pas mal, hein. Il y en a toujours qu'une vraie. La 2 c'est la vraie, ouais. En 7 jours Dieu créa le monde, en 7 secondes j'ai anéanti le mien. Tu l'as écrit, les chambres, celle-là. J'avoue que, non mais même les deux pour la première, hein. La première, il aura fallu uniquement 7 secondes à la vie pour me le rappeler à elle, alors que 7 c'est un chiffre impair. C'est quoi ça? C'est du film, hein, Et la dernière, c'est tout tourne autour du 7, si tu comprends le 7, tu auras la clé. On dirait un truc dans Matrix. Oh, petite référence avec Matrix après, je vous laisse sur ce. Ouh là là, il a du teasing. Donc, du coup, toi, Lucas, tu dis quoi? Mais non, le dieu. En 7 jours, Dieu créa le monde, en 7 secondes, j'ai anéanti le mien. Ouais. Mais en vrai, si tu l'as inventé, tu t'es chauffé quand même. Ouais, Agnès. Ouais, elle est bien. Celle-là? Ouais. Bah, vous mais attends, mais qu'est-ce que tu penses de ton cerveau? Parce que moi, je trouve qu'il s'est surpassé en fait. ce soir. Pardon aux autres fois. Ouais. Genre dans ces trucs, je... même moi, je qui ai vu. Et pourtant, il n'a pas regardé le film. Il n'y a eu que la jaquette. Non, mais à chaque fois qu'en fait. La jaquette. À chaque fois qu'il dit ouais, j'ai revu le film. À chaque fois qu'il dit que j'ai revu le film, j'ai envie. J'ai menteur dans la tête. Ouais, ouais, alors le menteur, il l'a absolument pas revu. Voilà, une, on est dans les backstage. Bon, dis-nous laquelle la vraie. Bah, la vraie, c'est celle ouais, que c'est celle-là. En 7 jours, Dieu créa le monde et en 7 heures, j'ai annulé en signe. Je suis un peu déçu, dommage. Parce que t'aurais voulu que j'aille bah, ouais, ouais, ouais, ouais, vous savez que si, franchement, j'y ai pas repensé, mais j'avais un truc dans le thème aussi. Parce que avec le chiffre 7, mais ensuite j'ai regardé les citations du film et tout, et j'ai trouvé celle-là, j'ai fait ouais, finalement elle est déjà sortie. Puis tu m'as dit que tu voulais faire un quiz sur le film où il y avait un noir qui jouait à l'intérieur. Quoi? Oh, laissez-le tranquille, laissez-le seul. Vas-y Antoine, c'est dans ta gueule. Après, il a brûlé la feuille. Ouais. Ce que vous méritez. Attends, alors, pour passer du coup à ma chronique, moi c'est plutôt un fun fact, mais du coup, il n'y avait pas. Enfin, j'ai dû chercher et j'ai. Ouais, fun fact? Mais vraiment fun? Non, pas fun. D'accord. Okay. Un fact alors? Ouais, fact. Fact. Écoute celle-là. Tu savais que Miley Cyrus, elle avait assuré son utérus pour 200 000 dollars? Ça va être encore sur Twitter, sur tes comptes Le Saviez-Vous à la con, là. T'es fou, c'est trop bien, les comptes Le Saviez-Vous. On apprend plein de trucs. Regarde, par exemple, tu savais qu'on pense à une banane environ 6 fois par heure? Donc, fun ou fact, hein. Donc, du coup, ben, c'est plutôt... fun ou fact. Fun ou fact. Et donc, voilà, j'ai vraiment trouvé des trucs un peu dans... genre... lol, quoi. Non, non, même pas. J'ai vraiment cherché dans... J'ai fait d'abord sur l'année 2009 pour tourner dans le thème. Ensuite j'ai tourné sur Will Smith et ensuite j'ai tourné un peu au hasard, tu vois. Ah mais c'est fun fact de l'année 2009 en fait. 2009, non, Will Smith et n'importe quoi. sur le mais toujours 2009, mais genre dans le... Enfin toujours sur Will Smith, enfin bon, écoutez, je sais pas, j'ai fait un truc au hasard. J'ai tourné du hasard mais on est... Ça va être compliqué pour faire un jingle, je sais pas si tu le sais. Mais non, c'est les anecdotes. C'est les anecdotes. C'est fun ou fact. C'est les anecdotes. Fun ou fact. Ah mais là il a fait... Voilà, ça fait un jeu. Donc du coup la première, donc... Ce film, cette vie, est sorti la même année qu'un film oscarisé deux fois pour le meilleur film et pour le meilleur réalisateur. Avatar ? Non. Avatar ? Mais non, mais en 2009. Inglourious Basterds ? Non. Putain, mais en plus j'ai regardé les Oscars, je suis vraiment con. Slumdog Millionnaire. Ah putain. Ah ouais. Putain, j'ai regardé. Ce film est sorti la même année que la mort de Michael Jackson. Ouais. Ce film. Et du coup, la même année que du coup, je dis qu'en train de chercher un truc ça. Il est sorti la même année que la mort de Michael Jackson et du coup de This Is It, voilà. Will Smith et Rosario Dawson ont déjà joué ensemble 7 ans avant dans Men in Black. Oh, c'est beau. Il y a 2 millions de dollars de recettes de moins que pour Yes Man avec Jim Carrey. D'accord. Okay. Donc c'est, non mais attendez, donc en gros c'est pour ramener le truc à Jim Carrey. Et en gros il y a eu 18,1 millions pour Yes Man et 16 millions pour cette vie. Le réalisateur, quoi? D'entrée? Non, c'est en dollars, en millions de dollars de recettes. C'est pas forcément. Mais c'est quoi la première info alors du coup? Tu pourrais peut-être cette info? 2 millions de dollars de recettes de moins que pour Yes Man avec Jim Carrey. Ah, ok. Ok, d'accord. Okay, okay. Ah, ouais, okay. Non, y a rien. Mais niveau budget, il y a quelque chose de différent. Alors, on est sur BFM Business, je vous le rappelle. Non, mais après le budget, je chercherai vu que là je l'ai pas en tête. Le réalisateur a aussi fait un film avec Will Smith qui est à la recherche du bonheur, mais ça on en a déjà parlé. C'est Gabriel Muccino, je sais pas, il y a deux C, donc ouais. Muccino. Gabriel Muccino. Là, on part par contre 10 ans avant, en 99, Will Smith a refusé le rôle de Neo dans Matrix pour jouer, il a juste refusé le rôle de Neo dans Matrix. D'accord, ok. Je te vois chercher Gabriel Muccino. Non, il a joué dans un autre truc qui a fait un flop, mais je sais plus quoi, dans... En 99, Will Smith, il a joué Matrix dans... Matrix avec Will Smith. Non, j'imagine pas, on veut pas. Non, voilà, genre, Will Smith, il a joué dans... un film en 99 et c'est il a refusé Matrix juste pour ça. Ah ouais. D'accord, ok. Donc cool. J'ai vite fait vous... D'ailleurs, attends, t'as vu beaucoup de films de Will Smith? Pas tant que ça, mais okay. Dis-moi. Non, bah j'ai demandé ton préféré. Dans Wild Wild West, il a joué pour à la place de Matrix. Du coup, la purge, hein. Putain, il y a vraiment enfin, ton film préféré de Will Smith? Franchement, j'ai kiffé Je suis une légende. Ouais. Vraiment, genre... Après, j'en ai pas vu des masses, hein, mais... Non, mais des ce que t'as vu... Mais tu vois, ça qui est ouf, c'est que... Genre Will Smith c'est pas un si bon acteur que ça, mais tout le monde genre adore un film. Ouais, il y a toujours un film de Will Smith qui ressort dans les... Bah, quand on dit Will Smith, il y a toujours un film que tout le monde a aimé. Qui est de Will Smith d'ailleurs. Moi c'est le YouTube Rewind, hein, vraiment j'ai... Ouais c'est vrai, le dernier là... Ouais. Il y a point un peu info, cette vie 55 millions de budget, et Yes Man 70 millions. Ouais. Ce que vous voulez. Non mais c'est pas mal, c'est qu'ils ont mieux rentabilisé que Yes Man quoi. Will Smith a reçu le NAACP, donc Image Award, pour le meilleur acteur, qui est un prix culturel qui récompense les personnes ou films de la communauté afro-américaine. Afro-américaine. Donc c'est triste de se rendre compte quand même qu'il y a toujours des prix seulement pour les noirs, mais c'est en même temps c'est la seule. Attends. Bah oui, c'est une récompense. Yeah, c'est une récompense. Ça. Non, on cut pas au montage parce que c'est vraiment une récompense qui est faite expressément juste pour les afro-américains. Ah non, j'ai pas cuté. Le produit que c'est triste. Bah c'est triste parce que genre, enfin, en mode on est obligé de. Parce que est-ce qu'il y a un truc pour les hommes blancs, tu vois? Les Oscars, ouais. Là, les hommes. Mais, non, mais parce que c'est ça le truc. C'est triste qu'on se soit obligé d'être un prix spécial pour les Afro-Américains. Quand est-ce que tu teins les cheveux en bleu, genre. Ça va pas. Après, je trouve pas ça nul parce qu'en même temps, c'est le seul prix que Will Smith a pu gagner du coup. Et voilà, moi, pour moi, c'est une fin de tournage. Non mais voilà, mais je sais pas, vous pensez que c'est bien de faire cette séparation entre un prix afro-américain et un prix... Mais c'est communautaire, c'est comme... Oula non, je vais dire une bêtise. Bon. C'est comme quoi, moi, c'est... Ah, j'ai dire, tu sais, c'est comme les British Awards, tu sais, genre c'est pour une communauté, genre il y a le truc, nous on a les Césars, il y a pour les Anglais, oui, et pourquoi pas pour une communauté, genre les Afro-Américains. Oui, puis bah, si l'Académie des Oscars était un peu moins... Ils ont bien fait les films de la Blaxploitation, je vais jamais réussir à le dire, Blaxploitation. Les... Voilà. Ouf. Merci Julien, orthophoniste. Blaxploitation. Merci. Enfin, éducation tous les soirs. Et c'est l'heure de voyager au bout de la nuit avec l'invité et Julie. On y va et en fait, quand la lecture est terminée, on se sent forcément un petit peu plus profond, plus intelligent et on dort mieux. Donc c'est pour ça qu'on continue la lecture ce soir dans Voyage au bout de la nuit. Non, je lis pas. Il me faut quelqu'un, un partenaire pour lire cette ligne. Mais Antoine l'a lu, a lu des dialogues tout seul. Tu rends ta voix grave. Oui, c'est bon, Antoine l'a fait. Antoine l'a fait. Bon, lecture. Vas-y. Mon corps se cambre et se convulse au contact de sa langue. Il la fait tournoyer encore et encore, sans relâche, il me torture, je perds pied. Chaque atome de mon être se concentre sur cette petite centrale électrique, what the fuck, qui grésille entre mes cuisses. Mes jambes se raidissent, il glisse un doigt en moi. Je lirai pas continuer, hein. Je sais ce qui est écrit, je lirai pas. Continuez, madame. Hein. Bébé, tu mouilles tellement pour moi. J'adore. Il décrit un large cercle avec son doigt, mes tirs me distant. Sa langue imite ses gestes, elle tourne. Tourne elle aussi. C'est trop. Mon corps supplie qu'on le soulage. Incapable de lui refuser plus longtemps, je me laisse aller, perdant toute pensée cohérente quand l'orgasme s'empare de moi, tordant mon ventre en longs spasmes. Bordel de merde. Je hurle et le monde s'effondre, anéanti par la force de ma jouissance. Je halète si fort que j'entends à peine le déchirement d'un emballage. Très lentement, il... Je l'avais dit en intro, le seul podcast d'audio porn de France. Je l'avais dit. Et t'as dit quoi déjà? Bah, le paquet de ouais, d'accord. On peut continuer. Très lentement, il s'insinue en moi et se met à bouger. Mon Dieu, ça me fait mal, ça me fait du bien. C'est dur et doux en même temps. Voilà. Crac crac. Là le plus gros bruit. Ah putain, bah, c'est pas mal. Je tiens à dire que en une page on se rend compte de la qualité de l'écriture. C'est pas mal. Non, c'est vraiment. On connaît la plume de l'auteur. Voilà. Ah bah il y a le James. Bah écoute. Ah bah Tolkien, Tolstoy et tout. Non mais l'image de la centrale électrique c'est parfait. C'est une finesse. Belle métaphore. Par contre Julien, franchement tu m'as déçu. Moi aussi tu m'as déçu. Je lis pas moi, c'est pas moi de lire. Bon, on a des règles, faut la respecter. C'était marqué, c'est Julien qui lit, Julien, ton film. J'aurais lit en plus. Ben, vous savez quoi, la plus. La prochaine fois, Julien va lire en duo. Et en duo de quoi? Bon, on verra en fonction de ton film dont tu as parlé. On ne sait même pas qui est l'invité la semaine prochaine. Ouais. Je vous rappelle que Will Smith l'a commandé. Dolan devait venir. Il a eu un problème de train entre temps. Dolan nous insulte sur le réseau. Et aussi tous les acteurs gays ne veulent plus. Voilà. Et Yann Moix a démissionné de la vie. Le prochain invité, c'est Lucas. Hein. Eh oui. On a eu une demande de Ruquier, mais on lui a pas répondu. On n'a pas donné suite. On l'a bloqué. Bon. Ça ne requiert pas forcément de réponse. Ça ne requiert rien. Ouais, allez. La roue magique. Ah, la roue magique. On se demande qui ça va être. Hein. Qui c'est le dernier? C'est la Julien. Bah figure-toi, bah c'est bon en fait. Ouais. Ah ça aurait pu surprendre mais non. Alors moi mon film. Alors déjà je vous donne un fun fact. Ce film a coûté 30 millions de dollars, soit 8 millions de moins que Red Dingue de Danny Boone. Oh. Je vous le donne comme ça. Red Dingue qui a gagné hein. C'est celui-là aussi. C'est lui qui a gagné le César. César, mais du public. Ouais, le premier César du public du monde. Red Dingue qui a gagné un César. Ouais. Autant que les tuches finalement. Donc, c'est pas... Hyper convaincant. Hein. Ah, quoi les tuches un... Non, c'est la ch'tite famille non, qui a eu le. Ah non, c'est les tuches qui ont gagné le deuxième. Non, les gars, vous êtes c'est une blague. Ah non, là on rigole pas, on est un peu on rigole jamais nous donc. Tout mais, sérieux, mais le deuxième César du cinéma, c'était les puches, ouais. D'accord. Et le premier c'était Red Dingue, je crois. Bon. Ok. Bon. Alors moi c'est un Disney. Oh putain. Ouais. Je vous donne ça, c'est le cadeau. Ah mais je l'ai. Ouais. Non, je sais pas. Là-haut. Non. La princesse Disney. Non, parce qu'un Disney, lui, il peut prendre n'importe quoi qui était produit par Disney. Voilà, c'était produit par Disney. Ah merde. Non, ouais, c'est estampillé. C'est pas la princesse de je sais pas quoi. J'ai déjà dit la princesse. Il y a pas un Twilight qui est sorti en 2009 non, ou là, non, jamais. Non. Si, mais plus jamais je me retape ça. Ah, c'est Disney Non. Non, par pitié. Ok. J'hésitais à refaire Twilight, mais je me suis dit. C'est un rapport avec quoi? C'est quoi le thème? Bah, c'est de la chanson. C'est de la chanson. Ah, là, comme toujours avec Disney finalement. C'est, y a la, ouais, ça chante. Oui, bah. C'est sur une meuf un peu bipolaire. Est-ce que ça a un rapport avec le pôle Nord, pôle Sud ou... Non. Ouais, c'est une meuf, elle a des problèmes parce qu'elle sait pas trop choisir entre quelle identité. Tu vois, c'est un film profond avant tout. Non, mais elle se demande, ouais, est-ce que je dois être ci, est-ce que je dois être ça, est-ce que je dois changer de couleur de cheveux, est-ce que je dois chanter sur une boule de déflexion en étant nu. C'est un amantana de film. Putain. Oh non, Lyon 10. Pour pas reproduire le succès de ma chronique la dernière fois, j'ai décidé de vous faire, en fait, ce film a plusieurs clés dans le scénario. Oh bordel. Et en fait, c'est un peu un film dont vous êtes le héros, en fait. À chaque clé du scénario, je vais poser trois propositions. Vous allez me dire laquelle est la plus valable. Et ensuite, je vous dirai quelle est la bonne réponse. T'as aucune idée, toi, Tineuf J'aime les jeux, moi. J'aime les jeux avant tout. Sauf que je plagie la moitié sur quiz. T'es un espiègle. Je suis espiègle gourmand. Alors le film, ah oui déjà j'ai une petite blague, on peut mettre jeu de mots à mucho par exemple. Jeu de mots à mucho. Ouais. Vous savez qu'Anna Montana, je l'ai trouvé sur internet, hein. C'est faux. Vous savez qu'Anna Montana, ça va être à la base un film porno sur une lesbienne schizophrénique. Je suis pas sûr, franchement je suis vraiment pas sûr. Pourquoi? Parce qu'Anna Montana. Oh putain. Je la donne, elle pour moi, et pour moi elle pour vous. Bon, le film commence. Alors il y a un concert à Montana, mais sauf que Miley, donc le vrai prénom de Montana, essaye d'aller au concert, tu vois, dans la salle de concert. Sauf que elle et son amie Lily y arrivent pas parce que elles font ah vous êtes pas sur la liste machin. Du coup, pour se rendre au show, à votre avis, qu'est-ce qu'elles font? Quel moyen comment y arrivent-elles? J'arrive pas à formuler cette question. Mec, je l'ai vu le film. Sérieux? Ah vous l'avez vu? Ah oui. Je suis pas sûr. C'est vrai, je l'avais pas vu et ça m'a étonné. Moi j'ai vu sur Disney, je l'ai pas vu. Oui je crois aussi. Chez d'avoir important. Oh putain. Alors à votre avis, est-ce qu'elles prennent une voiturette de golf? Est-ce qu'elles y vont à cheval? Ou est-ce qu'elles font croire que Lily est enceinte par son oncle? Lily est enceinte par son oncle. Lily, c'est la pote d'Anna qui met des perruques là. Ouais, c'est la pote d'Anna Montana. Okay. Ouais. Donc à votre avis, voiturette de golf, elles y vont à cheval? Ou elles font passer Lily pour enceinte tombée par son oncle? Voiturette de golf. Elles la font passer enceinte. Ouais, elles la font passer enceinte. Non, ouais, à cheval. Enceinte. Enceinte, ouais. cheval. C'est ta voiturette de golf. Ah, j'avais gagné. Merci. Tu vois, je m'en rappelle même pas. Mais c'est évident, ça tient tellement chaud une voiturette de golf. Oui. Mais Lily dans Anna Montana, elle est tellement genre chelou que tu te dirais, ouais, elle peut se faire passer pour enceinte. Ensuite, elles sont poursuivies par un gars, forcément, elles sont en voiturette de golf. Donc, à votre avis, qu'est-ce qu'elles font pour le semer, ce gars? Putain, Non, au début, j'en ai posé deux, au début, et après, ça va être. Parce que le film, c'est une merde, hein. Il se passe rien globalement. C'est une heure et demie de vide. C'est une heure et demie de Y avait une chance sur un million. Non, si. C'est écrit par Ian Mox aussi, y a pas de soucis. Y a des doutes. Hein. Il est pas crédité, mais en tout cas. C'est dit, je vais faire un four avec Cinéma, il va falloir que je me rabatte. Il reste un petit peu de podium, autant les mettre dans. Autant acheter des perruques avec. Donc, comment on se débarrasse de ce garde? Est-ce qu'elle lui jette une banane comme dans Mario Kart? Est-ce qu'elle lui font tomber des bouteilles d'eau vide? Ou est-ce qu'elle dit, oh mon dieu, c'est Roman Polanski, il veut nous violer le cul à des doux et des doux? Et du coup, il se fait plaquer à terre. C'est quoi la deuxième? C'est fait tomber les bouteilles d'eau, dis donc. La banane. La banane. Ah, les ah ouais, la banane, la banane. Non, non, les bouteilles d'eau, les bouteilles d'eau, parce que voiture de golf, donc ça veut dire que c'est sport, donc ça veut dire que c'est bouteilles d'eau. Banane. Banane. Banane, banane. Banane. Bouteille d'eau. Polanski. Polanski. Ce serait génial, mais. Est-ce qu'à ce moment-là, il avait déjà. Je sais pas. Il avait déjà mis la banane. Je sais pas, mais ça me faisait rire de marquer ça. C'était les bouteilles d'eau vide. Ah putain. Et alors, je sais pas comment il fait pour tomber parce que vraiment avec une bouteille d'eau vide tu tombes pas. Mais... Ouais. Est-ce qu'il y avait des bruitages marrants Non, un peu. Pas de Chris Williams dans ce film, donc déçu. Mais non, mais tu sais les trucs quand, dans les cartoons, ils roulent. Ouais, mais non, c'est nul. D'accord. Bon, bref, ils arrivent au concert, là il y a le concert. Il y a le gars qui chante Old Town Road qui joue son père. En fait, c'est une balle parce que c'est Billy Ray machin. Vous êtes pas des accros de la musique, c'est tout. On est censé avoir des icos. Vous êtes pas des icos. Là, ça part en clip sur la plage. Bon, bref, voilà, je vous explique. Là, il y a un paparazzi qui l'emmerde. Et du coup, quel est le stratagème du paparazzi pour avoir des infos sur Anna Montana? Est-ce qu'il a su une caméra pas du tout cachée sur un canapé? Est-ce qu'il tire une fléchette avec du sérum de vérité dessus? Ou est-ce qu'il a menace d'appeler Roman Polanski pour le violer le cul? La fléchette. Non. C'est quoi le premier? Moi, ouais, si j'avais été c'est une caméra pas du tout cachée sur un canapé. Pour être sûr d'avoir les infos, je rappelais Roman Polanski. Mais la menace par Roman Polanski marche. Mais je suis pas scénariste, donc. Non, les fléchettes, c'est un peu Disney, c'est un peu. Non. Bref, Disney. Les fléchettes, sérum de vérité, c'est un peu Roman Polanski aussi. Hein. C'est d'ailleurs, c'est pas du sérum de vérité. D'ailleurs, le film de labyrinthe. Alors. Vous avez pas donné vos réponses. Moi, je dis pas en tant que vous avez donné. Ah si. La première. Tout le monde l'a donné. Ah ouais? Bah c'était la caméra pas du tout cachée. Voilà. Yeah. C'est vraiment un énorme appareil photo qui est au milieu du canapé que tout le monde peut voir. Bah, et il y a même une meuf qui s'est située. Lucas, je te baisse. Donc c'est là, c'est... sans transition, il y a du shopping. Oh! Shopping! Et du coup, Montana décide de faire sa star parce que tu vois la célébrité elle lui monte à la tête et tout. C'est un peu le plot du film. Elle me l'en. Un peu ça. Bah, c'est un peu méta, c'est un peu tu as de plus en plus 80 ans dans ta manière d'exprimer. Elle a le chenille qui gonfle. Tu rentres dans tes chaussures Du coup, elle commence à faire sa star, et du coup, au dernier moment, elle se dispute pour une paire de chaussures avec... Et là, c'est un guest. Salut, est-ce que c'est Lady Gaga? Est-ce que c'est Tyra Banks? C'est ou est-ce que c'est... Franchement, je sais pas. Bon, c'est une bonne réponse, mais je sais pas. Ou est-ce que c'est Bernadette Chirac? Ah putain, ça aurait été trop bien. J'aurais préféré. Ouais, bah... Parce qu'ils ont les deux autres n'ont aucune fame par rapport à Bernadette. Ouais. C'est ça le souci. Et Bernadette serait morte sur le voyage. La pression, la dépression, elle se serait vidée. Hein. À 2009, c'est une bouteille d'eau, hein, tu la regonfles après. Hein. Elle est encore fringante, Bernadette. Elle a toute la vie devant elle. Le reste, quoi. Voilà. La vie qu'elle vole aux enfants, visiblement. Rester en vie. Elle suce des fœtus. Elle mange le sang de licorne comme Voldemort. Bah oui, voilà. Forcément. Référence à Harry Potter. Harry Potter, le prince de Sang-Mêlé, qui est sorti en 2009. Eh ben. Putain, mais t'es vraiment. Si on aime le Cinoche. Hein, ouais, je suis un geek de Cinoche. Ouais. Bon, bah je dirais. Bon, j'ai dit. Ouais, voilà, c'était Tyra Banks. Je sais pas qui c'est, mais bref, elle est dans le film. Comment ça s'écrit? Alors, T-Y-R-A et Banks comme la banque. Au pluriel. Ah ouais, ok. Oh putain. Je sais pas qui c'est, mais. Bah. J'ai vu ça dans les trivia. Oui, bah je sais à quoi ressemble. Oula, les flas. Ah, c'est. En quoi? Bon, ok, tu me casses les couilles. Ouais. Bon, du coup, elle fait sa star, ça casse les couilles. Du coup, le daron, pour la punir, parce que tu vois, elle a perdu toutes ses valeurs américaines, du coup, il décide, pour lui faire regagner des valeurs, il décide de la punir et il l'envoie où? Est-ce qu'il l'envoie à la soupe au poulet? Oh, non, je fais pas des blagues. Est-ce qu'il l'envoie à la soupe populaire? Est-ce qu'il l'envoie à la campagne? Est-ce qu'il l'envoie chez Daesh? Question. Politiquement. C'est pour la punir. Hein. Ouais. Pour la punir. Quand tu l'as, tu vas pas les enfants. Bien, Daesh, arrête. Ah ouais, on fait quoi là? Non, elle est populaire, je pense. Pour les non, mais non. Campagne, si, campagne. Le de chez la les grands-parents, ou... chez la grande-tante ou quoi. Elle a pas de grands-parents, ils sont morts. C'est totalement arbitraire, j'en ai aucune idée. T'as vu le film? Non. Je l'ai produit, je l'ai coproduit. J'ai coécrit. Elle l'envoie chez la fille. La campagne. Moi, je suis populaire. C'était la campagne. Ah bah ah. Parce qu'ils sont texans, elle est texane. Et oui, elle est texane. Et pan pan. Et du coup, le film, en fait, on va suivre. Pour moi, c'est pas pan pan, hein. C'est plus on brûle, mais. Chacun voit midi, donc ça. Alors, du coup, on va suivre les péripéties de Miley à la campagne, où elle va se révéler, ressourcer et regagner en valeur de la vraie famille américaine. Mm-hmm. Entre chansons de redneck et travail à la ferme, elle va boire du pain sur la planche. Oh. Du coup, là-bas, elle rencontre un blond beau gosse. Oh, écoute, casse. Je te dis. Du coup, là-bas, elle rencontre un blond beau gosse. Voilà, c'est tout. Et au moment, on apprend que la grand-mère est fan de quelqu'un. Donc, d'après vous, est-ce que c'est Anna Montana ? Ça serait, ça serait logique ? Est-ce que ce serait Elvis ? Ce serait un peu... Non, elle est fan d'un autre gars, je crois. Vas-y, bah attends, c'est pas fini. Il reste une troisième position. L'autre Jean-Luc. Francky Vincent. Merde, c'est beaucoup trop dur. C'est chaud. Ah, c'est bon. Annie Montana, ok. Elvis, parce qu'elle est née dans la même Elvis. Elvis. Mais attends, juste une question par rapport au film. Elle joue vraiment Anna Montana ou c'est le bail de genre je suis Anna Montana sur scène et je suis Miley Cyrus. C'est Anna Montana sur scène et bah il est là en fait. Ah mais non mais alors ça va être Anna Montana, elle est fan de quelqu'un qui elle connaît pas. Mais sa grand-mère elle sait pas que c'est Anna Montana. Ah non, elle est forte, elle est forte Miley. Elle sait toujours. Elle est forte Miley. Je le dirai après. Moi je dis Anna Montana. Donc c'est intelligent comme argument. Faut savoir qu'il y a eu deux épisodes où sa grand-mère spotted que c'est Anna Montana. Et ils ont refait le truc dans le film. Il en mode sa famille découvre petit à petit. Mais c'est quoi, tu as une unique invan S'il faut, c'est après. Non, mais il le fait film. De la merde. Non. Bah non, c'est faux. Si, il y a des. Y a... Bah, en tout cas, ce que tu viens de raconter, il se passe de plus en plus. Dans ta gueule, enculé. Dans les épisodes, la grand-mère arrive et fait je sais que t'es un amateur, je te reconnaîtrais parmi. Ouais, mais là, dans le film, ils le savent. Ils le savent déjà. Ils le savent. Ok. Ils savent tous. Tout dans le film. Du coup, les fans d'Anna Montana. Anna Montana. Bah du coup si elle le sait, c'est quand même un con. Ouais. De le spécifier. Bah du coup elle est fan de la Montana. Bah non, c'est de l'Elvis. Voilà, j'ai pourtant Francky Vincent, j'ai vu qu'il y avait 2-3 photos, mais c'est pas vérifié. Et bah naissance. Fais gaffe aux droits de réponse, Jules. Francky Vincent le restaurant, c'est un rêve à réaliser. Alors il y a un love interest entre la meuf qui joue Jane dans The Office. Je le dis avec un accent de merde. D'accord. Vous voyez qui c'est ou pas? Non. Non. C'est la meuf que le réalisateur de Sans un bruit aime bien ça. Non, Jane dans The Office, la première meuf de Michael Scott. Ah oui. Je sais pas si vous voyez, mais bref, je joue une gueule. Elle. Voilà, exactement. Ce sera mis au montage. Elle joue dans le film. Donc tout le monde connaît The Office. Ouais. Du coup, Billy Ray tombe amoureux d'elle. Là, il y a une scène de Breaking Ball avec des poulets. Comme quoi, tout est écrit. Et là, moment confession, on apprend que Jane dans The Office, elle a un métier un peu particulier. Est-ce qu'elle est maçon pour mamie ? Donc ça serait féministe. Oh putain. Est-ce qu'elle est stripteaseuse ? Ça serait cocasse. Ou est-ce que ce serait Sébasto, l'interprète de Fais la poule, tu verras, ce sera très cool. Bon là, c'est possible. Hein. Sérieux ? Cette chanson est folle. C'est la première réponse, il faut qu'on... faut répondre à la première réponse. Ouais, ouais première réponse, bien. Tous. Ouais. Ouais. Bah, en effet, c'est maçon. Elle est maçon pour mamie. C'est spécifié ? Oui. Elle est engagée par mamie, et du coup, elle est maçon pour mamie. Est-ce que c'est son rôle, c'est écrit dans le film, maçon pour mamie ? J'espère. Sur le script. Non, elle est contre-maître, en vrai, mais maçon pour mamie, c'est bien plus drôle. tout le monde tombe amoureux, donc Billy Ray et Jane dans The Office tombent amoureux, random beau gosse blond et Miley tombent amoureux. Et là vient un petit peu comment s'appelle le nœud de l'histoire finalement. Pour sauver le village de Miley, en fait, de l'installation d'un centre commercial, parce que ça va tout niquer si, comme dans la saison de Stranger Things. Comme dans Avatar, comme dans plein de trucs. Il décide d'établir un plan. Alors qu'est-ce que Miley décide ? De choper des gamins et de revendre leurs organes, à un prix correct, mais quand même de se faire une petite marche pas dégueu. Ah, il y a un lien avec cette vie. Allez, ouais. Super. De vendre des cookies. C'est tout bonnet. Hein. Ou d'organiser une récolte de fonds avec un concert. Ah, une récolte de fonds avec un concert. Ouais, le troisième. Ouais. Non, le troisième. Oui, c'est un petit peu de cookies. Bah, c'est ça, en effet. Du coup, ils font un concert, et pendant le concert, il y a qui en guest ? Est-ce qu'il y a Taylor Swift ? Est-ce qu'il y a Beyoncé ? Ou est-ce qu'il y a Al Capote ? L'empereur, ça aurait été trop bien. Taylor Swift, bah l'impératrice, il y a Beyoncé quoi, Queen Bee. Il aurait fait. Je suis fan, ça se vante pas. Alors, Taylor Swift ou Beyoncé? Taylor Swift. En effet. Non, bah si. Elle avait la scène déjà, c'est une artiste. Bah ouais, oui. De base, je crois qu'elle a été découverte un peu sur. Ouais, de ouf. Elle a fait quoi? Je sais pas. Rien. Voilà, mais c'est là, Jonas Brothers, dans les Jonas Brothers, c'est comme ça, non ? Mais tu sais, ils ont produit des disques. Ouais, dans Bang Rock, je sais pas quoi. Ils ont produit des artistes, quoi. Et Taylor Swift. Bah, les Jonas Brothers, tout ça. Oui, mais eux, ils ont carrément fait des séries et tout, après. Ouais, ils ont fait la série. Donc Taylor Swift, moi. Qui était bien. Bah, la plus personnelle. Du coup, la première collègue, c'est un fiasco parce que voilà, c'est de la merde. Bah, c'est et du coup, là, tout le monde dit il faut faire venir Anna Montana. Oh, comme ça, elle va ramener des sous. Ouais. Et là, il va avoir des situations rancambolesques et cocasses. Parce qu'il y a des quiproquos parce que Miley et Anna, c'est la même personne. Ah ouais. Et du coup, elles vont arriver. Et du coup, forcément, il y a des gens qui vont demander Anna Montana. Et du coup, des gens qui vont demander Miley. Et du coup, c'est la merde. Et du coup, il y a une scène de double rendez-vous entre un dîner chez le maire et un dîner avec Random Bogos Blond. Il y en a un, c'est Anna Montana, et l'autre, c'est Miley Cyrus. Et du coup, là, c'est la merde. Et du coup, c'est la pire scène de double rendez-vous de l'histoire, comme dans Madame Doubtfire. Où elle va devoir changer de costume à chaque fois. C'est sauf que long. Cette scène... Non, mais elle dure vraiment 20 minutes. Non, mais Madame oui, mais ça dure pas longtemps. Ouais. Là, elle dure vraiment très très longtemps. Et là, fun fact. Ah, un fun fact, on aime le fun. Regardez Stranger Things. Ouais. Un peu. Oui. Bah, j'ai pas vu la scène. J'ai entendu tout le monde dire oui. Oui, j'ai... Vous voyez qui c'est, Nancy? Ouais. Ouais. Bah, elle joue dans ce film. Ouais. Quel rôle interprète-t-elle? Sans déconner. Est-ce qu'elle joue la fille du paparazzi? Est-ce qu'elle joue une femme un peu trop collante? Est-ce qu'elle joue le cheval de Miley? Une femme un peu trop collante. Non. Le cheval la de fille, le cheval la fille. De, le cheval de Miley. De Miley. J'en sais rien, mais le cheval de Miley, ça reflète pas. Cheval. Il a dit quoi? Une femme. Ouais, la femme un peu trop collante. La fille. Mais moi, je sais pas qui c'est. Il y a une meuf qui joue un rôle, alors quel rôle c'est? Elle est dure la question. Le cheval. Ouais, pas mal. Alors c'est... Que c'est... Ah oui, c'est la fille du paparazzi. Ah merde. Déçu. Voilà, elle est là 5 secondes dans le film, c'est pas ouf. Et là, pendant la scène du double rendez-vous, que réserve le maire en guise de dessert? Est-ce qu'il décide d'enlever son pantalon et de sortir une grosse bête poilue? Oh putain, oh putain. Est-ce que c'est de faire un discours émouvant et qu'il chiale toutes les 3 secondes, du coup c'est rigolo? Julian Rabbit. C'est la surprise du chef. Ou est-ce qu'il fait un numéro de magie où il fait disparaître ce film de la surface de la Terre? Bon, j'en ai un peu marre à ce moment-là, film, mais, C'est celle du milieu, du coup. C'est un discours émouvant et chiale toutes les 3 secondes? Ouais, oui. Bah non, c'est il enlève son pantalon et sort une grosse bête poilue. Parce que c'est un furet, au d'un moment il y a un furet. Bah non, il enlève son rock et. Il y a un furet qui sort. Bref, je vous explique pas toute l'histoire du furet parce que c'est de la merde. D'accord. Du coup, durant ce double date, Travis, le random beau apprend que Anna et Miley sont les mêmes. Mais comment? Ah. Est-ce qu'il la surprend sous la douche? Est-ce qu'il tourne dans une porte qui tourne comme des cons? Ou est-ce qu'il lui arrache sa perruque durant une levrette? Durant une. Oh putain, oui, c'est bon, j'ai pas posé la question, j'avais pas. Bah la 2. La. Non, la 2. Ouais. Mais en effet, c'est en tournant dans une porte comme des cons. Ouais, ouais, parce que Disney, il met la queue en main. La queue en main, ils ont Disney fit Vixen, on attend le crossover. Du coup, là, Bogos, il apprend que c'est les mêmes personnes. Ça chie entre le Bogos et Miley. Ça chie entre le daron et Jane de The Office. Et là, il y a un montage où Miley, elle va commencer à regagner des valeurs des vraies familles américaines et chrétiennes qui nous sont si chères. Du coup, elle les regagne enfin. Du coup, là, le beau gosse, il retombe amoureux de Miley. Et pourquoi? Parce qu'elle a fabriqué un poulailler? Parce qu'elle a dompté un alligator? Ou est-ce que parce qu'elle a fait brûler un noir sur une croix comme toute bonne redneck? L'alligator, c'est un truc de redneck aussi, tu vois. Les trois trucs, c'est redneck. Là, on parle juste de différence entre. Est-ce qu'elle a fait un poulailler, mais... Quoi? Elle a fait un poulailler? Soit elle a fait un poulailler, soit elle a dompté un alligator, soit un autre truc qui me foutra dans la merde. en fait, Disney Channel, ils sont parce que j'essaie de réfléchir en mode. Ils sont grave en mode, ils font venir des animaux, tu sais, souvent. Des gros animaux en mode, c'est la blague. Ouais, du coup, elle a quel âge, Miley Cyrus? 16 ans. Mais ouais, ils disent qu'elle a 16 ans, mais en vrai, elle avait 19, je crois. Comme Cyrus Black? Je sais pas, mais ouais, mais toute la série, elle a 16 ans globalement. Voilà, c'est ça. Mais c'est toutes les meufs Disney Channel, en fait. Le premier, la poule et les poules. Cyrus, comme. Fait les poules, fait les poules. L'alligator? Bah c'est le poulailler. Ah, le poulailler. Putain. Donc cette fois-ci, le concert est un succès. Anti-climatique. Parce qu'il y a Anna Montana, du coup tout le monde est content, tout le monde a des milliards de dollars. Mais les valeurs de Miley Cyrus sont trop fortes. Les vraies valeurs américaines, du coup. Elle tire sur un mort. Elle fait quelque chose qui pourrait remettre en jeu toute l'issue du concert. Qu'est-ce qu'elle fait d'après vous? Bah, elle tire sur un mort. Non. Tu arrêtes. Tu arrêtes qu'il y a un rien. Vous proposez des solutions, moi je propose d'autres. Elle révèle à tout le village qu'elle a Anna Montana et ne veut plus se cacher. Les œufs étaient pas aussi frais qu'elle le pensait, elle a quelques problèmes gastriques. Ou elle se casse la voix car ça fait trop longtemps qu'elle avait pas chanté. Les œufs. Les œufs sont pas aussi frais, elle a un problème gastrique. Elle se casse la voix. Non, ça va belle. Il y a déjà un épisode où elle se casse la voix. Mais non, parce qu'il est censé y avoir une suite ou quoi. Il y a une suite à ce film, non? Ouais, il y a une saison. Mais si, elle rejouera plus jamais dans ce village. Non, mais elle a Chimou. Non, mais non, merci. S'il te plaît, par pitié, la réponse. Ah, la réponse c'est. Et elle va à tout village, qu'elle est à Montana. Ah ouais, elle enlève sa perruque, bah, mais en fait, alors, du coup, on dit ah non, c'est niqué et tout, elle ne sera plus en Montana. Mais en fait, le village lui promet de garder le secret. Oh, putain, mais t'avais raison. C'est une secte. Oui, ils promettent. C'est la secte. Agnès avait raison. En fait, je suis scénariste pour. Du coup, tout est arrangé, le village est sauvé, les couples se remettent ensemble. C'est mal aussi, voilà, j'aurais dû mettre en intro. Les couples se remettent ensemble et voilà, c'est la fin du film. Ok. Quelle belle fin. Bah super. Putain, bah écoute, c'était. Et sachant que ces événements de ce film ne sont pas du tout relatés dans la série après. Et du coup, est-ce que ça vous a donné envie de le voir? Franchement, c'est juste insipide. Mais, franchement, la manière dont tu l'as amené, je trouve ça nul. Non, mais pas nul. Ça aurait pu être drôle, mais ça n'a pas l'air drôle. Ah bah non, pas du tout. Il y a quelques blagues, elles sont pas drôles, mais. Mais en fait, c'est juste insipide. Mais il n'y a pas une nullité, genre tu te fais pas chier ou un truc comme ça, genre ça dure une heure et demie et voilà, le truc est passé, tu fais oui, bon bah voilà, c'est fini quoi. Gâcher une heure et demie. Oui, non, mais ouais, c'est vraiment, oui, c'est ça, c'est perdre une heure et demie, c'est même pas gâcher, c'est ouais, bah voilà, c'est passé. Hein. C'est vrai, t'es posé, t'aurais fait une sieste, t'aurais été. Mais c'est marrant, c'est vraiment le film Disney Channel par. Vraiment comme tous ils ont fait quoi. Oui, alors, c'est ça, oui, ok. C'est pas nul, il y a du pognon dedans et voilà. C'est, bah, il y a des films Disney Channel. C'est comme film, mais. Mais pas comme musical et comme ça. Si, Finesse et Ferb le film. Non, mais. Voilà, bah, une merde, voilà. Non, il est bien. Pff, ouais, mais bah, qu'ils ont fait un. Voilà, on retourne dans le futur, je sais pas quoi, c'est. Non, bah, bah voilà. Ça, bah, mais ça ou pas? Oui, ils ont fait ça. Ouais, il est faible ton film, du coup. Ouais, ouais, un peu. Bah, il est incroyable. Bah, en fait, t'as bien mené le truc, hein. La surprise. T'aurais pas dû me dire que c'était pas drôle. Je pensais que c'était drôle alors. Bah, c'est pas drôle, hein, je vais pas mentir. Non, mais la surprise, c'est que c'était dans Montana le film. Hein. Mais du coup, attends. Moi, j'ai même fait sur Cinéman. Moi, je te rappelle que t'as fait Cinéman qui était un vide absolu quand même. Ouais, mais j'étais forcé en soi. Bah, en soi, Cinéman, le mec qui aime, je pense. Cette vie ou Anna Montana? Cinéman, il me fascine ce film, mais pour les mauvaises raisons quoi. Non, mais en vrai, coup, ouais. Mais du coup, tu le passes au rang de nanar ou pas? Oui. Ah non, c'est pas un nanar. C'est juste que tu t'es fait quoi. Non, mais c'est même pas que tu te fais chier, c'est un film où tu fais la sieste devant ou un truc comme ça quoi. C'est pas nul où tu vas faire ah putain, c'est vraiment ouais, horrible, c'est genre tout est horrible. Non, c'est plutôt bien écrit pour les enfants quoi. Ouais, pour les ouais, quand tu te places dans le public. Devant, ouais. Sachant, si t'es fan d'Anna Montana, ouais. Genre, ça passe bah, t'es ouf. Voilà. Bah, il ouais. Y a des bonnes chansons quoi. En plus, c'est des chansons inédites à ce que j'ai lu. Donc en vrai, bah c'est cool. Mais tu sais qu'en vrai. Le truc est sorti au cinéma en plus quoi. C'est ouf parce que je crois que pour la sortie du film, elle est venue à Paris, mais genre en Anna Montana, pas en Miley Cyrus. Et genre, il y a eu vraiment, genre, je crois, des milliards de petites filles genre, qui ont inondé les rues et tout pendant qu'elle était sur son bus et tout. C'est normal. Genre, c'était vraiment un énorme. Il y avait un énorme bordel. À l'époque, c'est un la grande. Un putain de ah oui, mais... mais c'est la grande époque de Disney Channel. Genre, oui, quand il y avait Disney Channel sur chaque chaîne et qu'on passait tous dessus. Hein. Ça fait vraiment un carton au ciné là. Bah, je sais pas. Je pense que c'est un carton. Moi, je sais qu'à la base, ça devait sortir sur Disney Channel seul. Mais Miley Cyrus et son daron, ils ont forcé. Pour que ça sorte au cinéma, attends, parce qu'ils avaient dit qu'ils avaient vraiment fait un truc. C'est pas c'est pas top pour le cinéma, ouais, genre c'est vraiment un film pour ados quoi. C'est pas vraiment son daron dans le. Si. Ah si, c'est son vrai daron. C'est son vrai daron. Billy Ray Cyrus, c'est le. C'est vraiment son vrai daron. C'est le père de Miley Cyrus. D'accord, ok, il était vraiment chanteur de country aussi. Oui. Putain, mais c'est sa vie. Mais Anna, oui, Anna Montana, ils ont pas fait un ego trip en fait. En fait, ils ont pas fait un gros travail d'écriture, sachant qu'ils relatent la vie de Miley Cyrus en fait et tout. D'accord, ok. Non, mais ouais, film pas nul quoi. Voilà, il est là quoi. Ouais. Je trouve que ça a pas l'air spécialement bien non plus. Bah, en train de regarder. Après, oui, c'est sûr, t'es pas au dehors. Putain, ouais, 30 millions de dollars et 349 869 entrées. Ouf. Bah, en France. Non, en France, ça doit être. Ah, si, Box Office France. Bah, ouais, 300 000, bah, plus que. c'est plus que pas très normal activité. A raison. Bah, c'est plus que. Parce que, pour le coup, pas très normal activité, qui est un mauvais film, et quand tu regardes, tu fais c'est nul. Là, non mais ça se place dans un public ado aussi hein, pas très normal. Bah et du coup meilleur film quoi. Alors si on place dans un truc ado, ouais, bah je trouve que là c'était plutôt un bon film. En général les films Disney Channel ils essaient de pas se mouiller parce que bon ben bah, voilà. Ouais mais en vrai là il y a pas de prise de risque hein, mais non, bonne valeur, bon truc. Puis Miley Cyrus quoi. C'est non mais voilà c'est pour enfants quoi je pense. Non mais ça chante bien. Après il y a une histoire un peu revue mais pour le coup ça prend pas des risques de merde à faire des scénarios qui puent. Donc au moins tu prends un truc qui est sûr. Non, mais oui, ouais, bah, montrer un gamin, c'est sûr, c'est pas. C'est sûr, tu me l'as pas juste après cette nuit, quoi. C'est pas ton chien qui fait ah bah maintenant qu'on a vu Anna Montana, vous allez, les enfants vous allez aimer, hein. Et pour un ado, en vrai, ouais. Ou pour un mec vraiment après, est-ce que c'était vraiment un mec défoncé, bon film. Je pense que c'est parti pour ressortir, pour rebooster un peu Anna Montana, vu que ça commençait à se tasser, non, là-bas c'était pour conclure Anna Montana. Ah ouais. En fait, vu que le film a marché, ils ont décidé de rempiler pour une saison. Normal. Mais en vrai, dès qu'on peut se faire des tuiles. Je sais pas vous, mais même pas pour les ados, parce que du coup on avait 9 ans quand c'est sorti. Ouais. Moi je sais que je regardais déjà Disney Channel, même si voilà, il y avait pas de. Ah ouais, 9 ans, je l'aurais maté. Voilà, moi aussi. Oui, je pense, oui. Il y avait le film Bonne Chance Charlie, là, tu sais, je sais pas si tu connais. C'est genre avec Bridget Mendler ou quoi, non, tu vois pas. Non. Ça faisait partie des actrices que mettait en avant Disney Channel. Et genre, en fait, c'était un truc en mode c'est une ado, elle a une petite sœur qui s'appelle Charlie, et en gros, elle fait des journaux vidéo quoi, tous les jours. Mm-hmm. Et à la fin, ça se concluait par Bonne Chance Charlie avec une morale et tout ça. Ils avaient fait un film qui était franchement pas mal, quoi. Genre mieux que voilà. Ils faisaient des trucs vraiment. Potable que tu pouvais regarder en disant bah, je vais regarder ça. Non, mais Disney Channel, ils sont. Ça a toujours. Même, ils ont produit plein de séries, hein, que ce soit, comme on disait, Gang Rock, les Jonas Brothers, les. Zach et Cody, c'était pas mal. Ils ont vraiment produit plein de choses. Et franchement, tu regardes ça maintenant. Non, mais voilà, tu regardes ça maintenant, c'est pas ça excellent. C'est pas excellent, c'est que c'est une pure. Oui, il y en a, je pense que ça va être bien nul quand même. Mais voilà, c'est que à l'époque, ça nous faisait rire, ça nous faisait. C'est pour nous, c'était bien. Quand s'appelle le truc Zac Efron là, au basket High School Musical. Voilà, High School Musical, je pense que tu regardes, ça doit être pas nul à chier. Genre, ça doit être c'est bah, comme chiant, ça. Quoi. Ouais, c'est chiant. Ah ouais c'est vrai. Bah, pour moi, je pense que c'est comme ça, genre, c'est. Bah, tu vois, moi, j'aime. Tu regardes et voilà. Non, c'est là, mais pourquoi en fait genre, tu t'es dit un jour, je vais rebattre High School Musical. Non, par contre, moi, c'est possible que je les rebatte aussi. On fait des erreurs dans la vie, voilà. Aussi parce que dans un sens t'as un... tu veux parler de ces erreurs c'est bon c'est... tout est passé dans l'intro mettre est-ce qu'on continuerait pas sur ta petite chronique Julien allez c'est parti c'est comme deviner la suite mais en fait pas du tout et vu que j'ai pas envie de refaire un jingle bah ça peut deviner la suite d'accord ah mais non mais d'abord on a les répliques ah les répliques La réplique, j'ai fait un petit jeu. Ah, faut pas que tu regardes l'écran. ah oui. Alors, vous savez qu'il y a un artiste qui s'appelle French Montana. Ouais. Bah voilà. Donc, ça va être. C'était une info. Voilà. Fin de la réplique. Non, en fait, ça va être soit l'album de Anna Montana, soit l'album de French Montana. Ok. Oh putain. Et vous allez voir que French Montana. Il y a un petit truc dans les titres de ses albums pour reconnaître que c'est lui. Et vous allez le voir au fur et à mesure. Il a un petit pattern. Ça se voit assez vite quand on le voit comme ça, mais. Bangers, Anna Montana ou French Montana. Enfin, quand je dis à Montana, c'est Miley Cyrus aussi. Ah, ok. Miley Cyrus. Ouais, bah ouais. Bangers. Miley aussi. Miley, French Montana. Non, c'est mieux que vous répondez Anna ou French. Allez. Anna. Anna. French. French. Anna. C'est Anna Montana. Oh. Et ouais, c'est son ses albums récents du coup. Je sais pas. Moi je connais. Hein. si, non, avec Banger, c'est celui où il y a Breaking Ball. Ok, okay. Ah, donc pas si récent que ça. Ouais, 2007, un truc comme ça. Je sais pas. C'est aussi. 2013, je dirais. Ah, mais qui 2015, je sais pas. Je continue à dire. T'as aucune idée. 2014, quoi. Non, mais j'ai regardé ce matin et j'ai oublié déjà. Donc, Coke Boy. French Montana ou Montana? Voilà, j'hésite. Votre avis? Ouais, French Montana, aucune idée. French ou Anna? Moi. French? Anna. French. French. Ouais, French. En effet, c'est French Montana. Et on aurait pu dire Anna sous Coke. Hein. Anna, possible. Voilà. Surtout comment détruire une enfance en fait. Je vois la liste après là. Ouais. Coke Wave 2. Votre avis, Fred Montana ou Anna Montana. Bon ben je vais répondre pour tout le monde. French, ouais, pour tout le monde. Cocaïne caviar. Votre avis. French. Ouais. Meet Miley Cyrus. French Montana ou Miley Cyrus? Miley Cyrus. Ouais. Attention. Hein. Anna. En effet, ça. Anna. Coq Zou. C'est pas une blague, c'est des noms d'albums. C'est que les noms d'albums de Frank Montana. Il y a aucun épi dans ce. Oui, mais c'est. Bon, j'avoue, j'ai fait un peu jeu pour vous faire découvrir l'album de French Montana. Sachant que Coq Wave 2 va jusqu'à 4, Cocaine Caviar va jusqu'à 3, enfin bref. Non, putain, alors. Si, Coq Zou vient Coq Zou 2. Mais t'as tout écouté ou pas? Bien sûr que non. J'ai découvert ce mec hein, d'ailleurs en plus, après, je sais pas qui c'était. Coq Boys Run New York City. Qui est le French? Je suis au fond du. Allez, alors, il en reste un. French. J'adore la coque, bordel, j'adore la coque, la coque. Alors French Montana ou French Montana? Ah, c'est personne, c'est personne. Moi j'aurais dit Anna et French. Anna l'a probablement prononcé, ouais. Elle a probablement. Parce qu'elle a quand même dit, même Snoop Dogg a dit, c'est une scène le nombre de pilons qu'elle fume. Ah ouais? Ouais, il a vraiment dit ça. Il a dit j'étais dans une pièce avec elle, et dangereuse. Et du coup, pour la petite stat, sur 29 mixtapes, il y a 12 fois le mot coq dans le titre de French Montana, soit plus de 40%. Donc voilà, c'est tout. Voilà. Alors, on a la petite chronique. Du coup, il s'en devine la suite un petit peu spéciale, hein, voilà, je vous le dis. Je vais commencer. Alors en fait, pour la petite histoire, qu'est-ce qu'il y a? Ça fait quoi? Tu parles de Oslava. Je suis là au Oslava? Un peu. Ne vous inquiète pas, je vais crier dans pas longtemps. Non, bah non. Alors en fait, en 2009, on remonte dans le temps là. Voilà, là, générique de Retour vers le futur. Il y a 10 ans. Il y a 10 ans, j'avais quoi? J'avais 9 ans. Et du coup, je vous ai fait venir mon petit cousin Jean-Kevin Mbappé pour vous raconter des pitchs de films comme un gamin de 9 ans. T'es heureux d'être là, Jean-Kevin Mbappé? Ah bah oui, bah voilà, je suis venu raconter. Voilà, je l'imite mal. Hein. Du coup, il va venir vous raconter des petits pitchs de films, des films qui sont sortis en 2009. Ok. Vous êtes prêts? Vas-y. Vas-y, Jean-Kevin. Vous êtes prêts? Cette invitation va être trop nulle, hein. Et bah, en fait, c'est un monsieur, et bah, il a plus de jambes. Et du coup, après, il va dans une machine. Bah, vous savez, là, mais cette machine, c'est pour se faire bronzer. Et après, après, il va chez les Schtroumpfs et il va faire de la coiffure et du jardinage. C'est Avatar. C'est Avatar. Avatar, ok. C'est bien. C'est bien. Bravo, Jean-Kevin. C'est vraiment pas mal. Comptez les points parce que Jean-Kevin a du mal un petit peu parce qu'il est un petit peu autiste Asperger. Très intelligent, du coup. Désolé. Je teste. Tu peux l'embêter, mais tu vas. Merde, tu m'emmerdes. Ouais, Jean-Kevin est pas bien là. En fait, c'est l'histoire de Morgan Freeman. Il est président de l'Afrique. Bravo, vous me laissez finir? Enfin, vous laissez finir Jean-Kevin, pardon. Toujours rester dans son rôle, toujours. Et bah, il est président de l'Afrique, et bah, en fait, les gens, ils l'aiment pas trop. Et du coup, en fait, ils l'aiment pas trop comme Monsieur Macron. Et bah, mon papa, d'abord, il l'appelle Monsieur Macron, et ça me fait rire. Et du coup, après, du coup, ça va pas trop en Afrique, et du coup, il décide de jouer au foot avec les mains. Du coup, c'était une victus, en effet. C'est vachement bien. Après, Jean-Kevin, il a pas beaucoup vu de films, du coup, il raconte souvent les premières scènes. D'accord, bah, raconte-nous, Jean-Kevin. Non, je vais pas faire celle-là. Jean-Kevin, s'il te plaît. Calme-toi, Jean-Kevin. En fait, c'est le monsieur de Facebook et la madame du Seigneur des Anneaux. Et ben, ils vont avec un autre monsieur et une autre madame. Ils partent en voyage. Et puis, du coup, il y a un monsieur, il veut des gâteaux tout le temps. Il dit oh là là, je veux des gâteaux. Là-haut puis, Non, c'est pas là-haut. Et puis, en fait, après, ils se trouvent pas les gâteaux. Et du coup, après, ils tuent le monsieur de SOS Phantom. C'est Zombieland. Oh, Zombieland. Ouais, c'est bien du Zombieland. Oh putain. Mais merci Jean-Kevin, finalement. Jean-Kevin a vu pas mal de films en 2009. Jean-Kevin, t'es un cinéphile. Jean-Kevin Mbappé, par contre. Jean-Kevin Mbappé, excuse-moi. Prêt pour la suite? Prêt pour la suite, Jean-Kevin. Eh bah, Et ben en fait, c'est l'histoire d'une partie de cache-cache. Et ben il y a celui où qui doit arriver, il arrive et il demande à un monsieur où qui sont ceux qui doit chercher en fait. Et ben en fait, moi on m'a dit qu'au cache-cache, on n'avait pas le droit de demander où ceux qui sont cachés où ils sont cachés. Lara Forrest Gump. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Et du coup, en fait, il cherche et au bout d'un moment, il trouve. Et puis, il y a une fille, et ben du coup, quand elle se fait trouver, elle décide de courir pour trouver une autre cachette. Et ben en fait, d'habitude, on n'a pas le droit de faire ça. Ma maman, elle a dit qu'on n'a pas le droit de trouver une autre cachette quand on se faisait trouver par un monsieur qui nous cherchait. Mais c'est Lara Flaret. Non. Esther. Non. Le journal d'Anne Frank. Non. Il faut pas oublier que Jean-Kévin n'a pas vu beaucoup de films, du coup, il raconte souvent les premières scènes. Se planquer, c'est tricher. Il raconte les premières scènes des films, Jean-Kévin. Non, faut pas utiliser Internet ou pas? Non. Bon. C'est juste les premières scènes? Et même peut-être parce que en fait, elles étaient cachées sous le sol, en fait. Sous Halloween, tu vois. Non, c'était pas. Sous le sol. Ah, C'est la première scène dans le film. Under the floor. Ça n'a rien à voir avec ça. Jean-Kévin répète un peu. Ben, en fait, c'est une partie de cache-cache. Et puis, il y a un monsieur, il est très méchant. Et il arrive. Et ben, du coup, il demande à quelqu'un où ils sont cachés les gens. Et le monsieur, il ne veut pas dire où ils sont cachés. Et puis après, il y a une fille, elle se fait trouver. Et décide quand même de partir. Est-ce qu'il est de déterre? En tout cas, le monsieur, c'est un gros nazi, vous comprenez ça? C'est un gros nazi. J'avais que de dire, ah, c'est Inglourious Basterds. Voilà, putain. Oh putain. Mais j'avais Lara, j'avais Jonathan Frank, j'ai. Oh putain, bah oui. Tu vois que je t'avais dit. Chaud. Bah oui, chaud, bah oui. Il mûre rapidement, le Kevin. Chaud comme Hitler à la fin. Ouais, c'est quand il s'énerve, Kevin. Comme le canon d'Hitler. Je sais pas de qui vous parlez. Continuez, Mbappé. En fait, c'est qui veut gagner des millions, sauf que Jean-Pierre Foucault, bah, il est vachement plus bronzé qu'avant. C'est le Slumdog Millionnaire. Et oui, c'est ça. C'est Nico Seriagas qui a remplacé Jean-Pierre Foucault. Les UV. La feta. Oh là là. Oh, mais c'est pas la le yaourt, là, c'est. Ouais. Voilà. Quel enfer. Yaourt à les Grecs, hein. C'est comme Star Wars, mais c'est moins bien. Star Trek. Oui, c'est ça. C'est Into Darkness. Je sais pas, celui qui sort sur 2009. Okay. Non, donc. Non, c'est Star Trek. Juste, il y a marqué. Ok, d'accord. Et c'est un film où Batman, bah, il a des problèmes pour avoir son zizi tout dur. Dark Knight. Non. Non, absolument pas. Bah, il y a des problèmes de zizi tout dur. C'est Christian Bale déjà. Non. Bah voilà, baisse de mère. Attends, Batman, il a pas demandé. Ouais. Michael Keaton? Non. Soirée, ça n'a rien à voir avec l'acteur, c'est vraiment quelqu'un qui ressemble à Batman. Il y a des problèmes. Ben Affleck, j'ai un film avec Ben Affleck. Non. Ça n'a rien à voir avec l'acteur, c'est plus le personnage. Putain. Cinéman. C'est un film de super-héros, ben il est sorti en 2009. Hein. Et puis, il y a des problèmes de zizi tout dur. Oui, c'est Watchmen. Ah putain, oui, le hibou. Oui, putain. C'est Watchmen en effet. Mm. C'est un vrai geek, hein, ce Jean-Kévin. Ouais, incroyable, Jean-Kévin. C'est fou qu'un gosse de 9 ans s'attarde sur ce genre de détails. Ouais, c'est ouf. Un peu en avance sur son temps. Ouais, un ouf. Tiens, un ouf. Et bah en fait, bah, au début, c'est comme un vlog de Squeezie. Et puis après, bah en fait, c'est un peu chiant quand même. Et puis après, la caméra, elle est comme sur les vidéos pour les adultes que mon papy m'a montré. C'est vrai, ou pas, non. Que mon papy il me montre parfois et après ça fait peur parce qu'il y a des fantômes 2. À la caméra. Il y avait Rick 2 aussi. Ouais. C'est vrai parce que vous voulez pas parler à Jean-Kévin quoi. Ouais. Après il y a maman qui doit venir me chercher donc. Un petit dernier de Jean-Kévin ou pas? Jean-Kévin en un petit dernier. Jean-Kévin, est-ce que tu voulais pas faire celui que tu voulais pas faire? Oui voilà, il va faire, faire celui que. Je voulais pas trop qu'il fasse mais. Vas-y Jean-Kévin, ta maman n'écoute pas le podcast de toute façon. Elle dit que c'est pas à cause de ça, mais. Elle dit qu'on les a tardés. Eh ben, c'est le monsieur de Coco. Mais si, vous savez, celui qui fait. Oh, le blond. Et tout, c'est celui qui fait la pub dans la banque. Mais si, vous savez. Ta gueule. mais si, vous savez. Celui qui a volé toutes les blagues de Jerry Seinfeld, ce gros fils de pute. Un jour, il est à Paris et on vient toquer chez lui. Et là, il apprend qu'il a gagné un super voyage tout frais payé. Comme s'il avait dit que sa radio préférée c'était Skyrock. Et oui. Et ben même on lui offre un super tatouage au bras. et après, j'ai pas compris, mais on lui donne pas de billet de retour. C'est la rafle. Par contre, moi je pense qu'il va en prison parce qu'il a volé des blagues. C'était la rafle avec Gad Elmaleh. Ah, bien joué. Merci Jean-Kevin. Et au revoir. Attendez, petite question. Ouais, on va y avoir. Au revoir. Bravo Jean-Kevin. Merci, au revoir Jean-Kevin. La Raf, bon film ou pas? Je l'ai jamais vu. Ouais, ouais, il est pas. Pour un film français, ouais, il est pas mal. Ah ouais. Et il joue bien, Gad Elmaleh. Il est bien dedans. Bon, bah, tant mieux. Bah, peut-être que je me le ferai alors. Ouais, alors en tout cas, voilà. Sur les films avec les juifs, c'est pas mal. Bon, bah, merci. Hein. C'était cool. J'ai bien aimé. Bon, bah, du coup, après, il est pas dispo tout le temps. Quoi. Ouais, bah, bon. C'est dommage. Mais moi, j'ai bien aimé Jean-Kevin. Est-ce qu'il reviendrait pas un jour? Il faut juste qu'il fasse attention. Quand il traverse la route, parce qu'on rappelle que la France a accueilli Roman Polanski. Voilà. Wow. Hey. Est-ce que ce serait pas le moment du Shazam pas beau? Mais est-ce que ce serait pas le moment? La carte blanche. La carte blanche, le Shazam ou pas beau? Shazam ou pas beau. La chronique la plus délicieuse du PAF. Non. La blancheur du sésame, la noirceur du pavot. La plus croquante, la plus craquante. Fait par celui qu'on appelle le torchon sur la bite. C'était pas un torchon, c'était un menu signature de McDo. le dégueulis sur le zizon. Julien, bon. Toi, une troisième. La gerbe sur la teub. La gerbe sur la teub. Un dernier, Lucas. On adore le ciné. je commence toutes mes chroniques par vous n'êtes pas sans savoir. Ah. Mais est-ce que t'as refait une super intro comme Non, pas du tout. Là, je n'ai rien écrit. C'est de l'impro total. Bah, ah. Alors, c'est vous n'êtes pas sans savoir qu'en 2009, de tout temps les hommes ont été des animaux. Non. Vous n'êtes pas sans savoir qu'en 2009, énormément de bons films sont sortis. Et énormément de purs. Et puis c'est. Mais j'ai remarqué qu'il y avait en fait vraiment pas beaucoup de films musicaux. Ou de films qui incluaient des musiques en vrai. Il y en a vraiment très peu dans les bons films en tout cas. Montana. Et en fait, pour que vous puissiez reconnaître vous rappeler d'où vous avez entendu ces musiques, j'ai pris des bons films quand même. Ok ? Ouais. Donc, vous allez devoir dire, dans un premier temps, les films dans lesquels en 2009 on a entendu cette musique-là. Enfin, le film dans lequel on a entendu cette musique-là. Puis après, en deuxième, le titre musique. Toujours. Le titre de la musique et l'interprète. Et où est-ce qu'on peut l'entendre après ? Et ensuite, où est-ce qu'on peut l'entendre autre part ? Ouais. Petit bonus, si vous trouvez un autre film de 2009 dans lequel est apparue la chanson. Et là, on en connaît 15 000 donc. Et attention, ouais. Attention les gars. Je vais encore perdre. Si on en trouve pas deux, on a perdu. Julien Agnès contre Lucas Kilian. Oui, ouais, alors c'est l'équipe Julien et Agnès contre Lucas Kilian. Et je vous rappelle que le prix n'est pas évidemment un dictionnaire Larousse parce qu'on a encore moins d'argent que pour une question pour un champion. C'est la chanson, le choix de la chanson à la fin du podcast. Voilà. Cool. Okay. Donc, j'espère que t'es prêt, Lucas, cette fois. Ouais, putain, je veux gagner absolument. Je pense que tu peux te compter seul dans l'équipe. Ah ouais. Ouais, mais il vaut pour deux, franchement. C'est bon, vous êtes prêts? Attention. C'est dur, 2009. 2009, Shazam ou pas vous? Inglourious Basterd. Mais c'est, faut dire un film de 2009. Un film de 2009 dans lequel apparaît. Est-ce qu'il va dans Ghostbusters en cinéma? Arrête avec le soliste. Mais je te jure, il est de cinéma. Non, il est pas, il est pas. Réfléchis bien, réfléchissez bien. Un film qui est sorti en 2009. Ouais, bah. Y'a pas un truc parodie du genre. Scream, American Pie. Je vais baisser un peu le son. Y'a pas un truc de parodie du genre Scream, American Pie ou quoi? Y'a une légère parodie, mais c'est plus par rapport au casting. Ah, j'ai bien vu à Zombieland. Oui. Oh, ah oui, bah oui, oui, parce que dans Bienvenue à Zombieland, il y a Bill Murray, cette chanson est jouée. Bon, du coup, Julien et Agnès, quel est le titre de cette chanson et qui l'interprète? Oh, c'est trop dur ça. Non, en vrai, ça. Ah, mais genre, c'est Bill Murray qui doit la chanter ou un truc comme ça, genre. Non, l'original. Ah bah, en plus. Super. Ah, mais en vrai, ça doit être Who You Gonna Call Ghostbuster. Bah, c'est original Ghostbuster, t'aimes ça. Voilà. Super. Et est-ce que c'est quelqu'un qui a un rapport? L'interprète, si t'as une bonne mémoire, je pense que tu peux t'en rappeler. Bah, du coup, c'est mort, on peut changer du coup. C'est Ray Parker Jr. Ça te disait quelque chose, non? Pas du tout. Bon, si vous pouvez gagner, vous pouvez gagner un point bonus en disant dans quel autre film elle apparaît. Bah, c'est dur, Putain, bravo, vous avez 2-0 pour l'instant. Voilà. Tu viendrais avec toi. C'est parti pour la suite de Shazam ou quoi? Good Morning England. Non. Ah, ça aurait pu de ouf. Attends. Non. Réfléchissez bien. Là-haut. C'est un film qui se passe à l'époque où cette chanson est sortie et elle est en rapport avec. Je vous le dis, c'est une adaptation. Non. C'est une adaptation et l'adaptation est ultra liée à cette chanson. The Times. They Are Changing. Bob Dylan, ok, je sais que l'avais. Non, parce que c'est avant. Réfléchissez. C'est avant, Bob Dylan, c'est avant. Il y a pas un truc de guerre quelque part en. Ah bah, Vietnam. Non, il y a un truc avec le Vietnam. Et oui, bah oui, c'est Vietnam, un truc avec Apocalypse Now. Non, il fait pas ça en 2009. Il y a déjà une chanson en 2009. Réfléchissez bien, The Times, je vous donne, c'est en rapport avec le temps. Ah. Time Out avec Nancy Timberlake. Oh putain. Je baisse le son. C'est avec le temps. Les gars, rapport avec le temps. Les heures. Non. Encore une fois, un indice est présent dans la pièce, comme la dernière fois. Regardez bien autour de vous. Julien, il est député. Watchmen. Oui, c'est ça. Oh putain. Sans déconner. C'est la musique d'intro de Watchmen. Du coup, Bob Dylan, The Times Are Changing, et un autre film. Bon, vous avez déjà 2 points, c'est bien. Et un autre film, j'ai aucune idée. Je vais vous décevoir, il n'y en a pas. Ouais. Voilà. Bah, super, on peut pas gagner des points, nous. Bah oui, mais il y a des chansons que j'ai dit où ça n'apparaissait pas. Attention, prochaine chanson, c'est un classique de la chanson française. Voilà. Okay. Trouvez bien, c'est apparu dans un film de 2009 qui est un classique également. Classique. Okay. Cette vie. Dédicace à Sarko d'ailleurs. Non, oui, ah, si, Ok, c'est bon, on a déjà. Mais. Moi, j'avais pas. Bah, c'est le. Elle chante pas donc. Ouais. Les gars, je vous donne un indice, c'est une chanson d'amour. Quelles comédies romantiques sont sorties du coup en 2009 LOL. Et ont marqué. Ah putain, LOL. Putain, LOL. Ouais. Non. Ah putain, ça va tellement. Qui ont marqué vraiment. Bah LOL, ça qui ont marqué la carrière de leur réalisateur. Le Vacuolier. Non. De deux acteurs qui ont joué dedans. Le Vacuolier. Non. C'est un film français. Est-ce que les deux acteurs sont en couple? C'est pas un film français, c'est un film Match Point. Américain. Non. Ah, c'est 2009 Match Point? Non. Je vous dis, c'est un rapport avec Spider-Man, Amazing Spider-Man. Y'a rien. Ah, ça s'en joue ensemble. Oui. C'est Mark Webb. Exactement. Donc maintenant, l'interprète de la chanson et le titre. On a un demi-point, j'ai quelqu'un qui m'a dit de Carl Cabroni. C'est ça. Cacaboni. Désolé. C'est Jean-Kevin, il aurait dû. Garde à vue, Bruni. Et du coup. Ah, on me dit à l'oreillette qu'elle ne viendra pas non plus. Dans le cas, elle a un problème d'avion. Ça doit être la surprise. Et nickel. Et il me semble, je vais faire quand même une petite recherche, mais il me semble qu'elle apparaît dans un autre film. Si vous trouvez, les gars, bon, il me semble que j'ai un souvenir qu'elle apparaît dans un autre film. Ah, d'accord, mec. Non. La famille Bélier. Dans une autre comédie romantique. Ouais, je suppose. Oui. Avec Chali. Non. Pas de twist à ce que c'est ça. Non, bah je sais pas. La vie d'Adèle. Non. C'est vraiment une comédie romantique, la vie d'Adèle. En plus. Jamais vu. Dans Conan le Barbare. 300. Ben non, on l'apparaît dans Canon Team. Voilà. Ah bah ok. Voilà. Quelqu'un qui lui a dit. Quelqu'un qui lui a dit, mais personne ne lui a dit. Attention, la prochaine est un artiste que Julien aime énormément. Bah super, tu veux lui sucer la bite aussi ou pas? Oui, bah j'ai sucé aussi la bite à Lucas la dernière fois, sauf qu'il a pas trop aimé. Sauf que c'est une merde. en plus, toi, ça va te plaire aussi en fait, puisque t'aimes bien les gens. Bref. Cette musique est apparue dans un film en 2009. C'était dans un film? Pas dans Fast and Furious, un truc comme ça? Ah ouais. Bad Boys. Ah putain, ça va pas sortir en 8 Mile? C'est pas sorti en 8 Mile. Madagascar. Non. La princesse et la grenouille. Non. Réfléchissez bien. C'est un film auquel se prête cette musique. Qui s'appelle. C'est un peu une musique urbaine. Non. De quartier chaud. C'est une musique un peu. Voilà. C'est pas une musique pour vieux, c'est pas quelqu'un m'a dit. Oui, c'est pas quelqu'un m'a dit. Mais... Mr. Nobody? Non. Je tente. Donne-nous des indices? Ouais. Ok, bon. Non, non, moi je. C'est un film où il y a un. Où il y a un bébé qui est mis en avant, qui est pas sur cette là. Transpotting. Non. C'est un film avec énormément de suites. Men in Black. Non. Non. C'est d'ailleurs un film dont le nom en français n'est pas le même qu'en anglais. Ah. Le gars du corps. Les bagnoles. Non. Les bagnoles. Non. Énormément de suites, c'est-à-dire. Mais c'était Fast and Furious. Non, non. Et le nom n'est pas le même en anglais. Ah. Fast and Furious. Non. Je continue les indices. C'est un film. Attends, mais il y a. Non, non, mais on peut trouver avec ça. Où il y a une. D'accord, ok. Non, vas-y, bah, une musique. Mais il y a un bébé, il y a plein de suites. Oui. Il y a un bébé qui est pas censé être là. Il y a un bébé qui est pas censé être là. Il y a Trip. Oui. Oh ah, putain, ouais. Oui. Elle est dans Very Bad Trip. Les gens sortis en 2009. Ouais, ouais, ouais, moi je l'ai éliminé parce que je savais même pas qu'il y avait des suites. Du coup, le chanteur. Le chanteur. Est-ce que vous avez reconnu sa voix ou est-ce que je remets un peu la musique? Ludacris. Non. Non, oh, t'es cool. Est-ce qu'on fait chacun notre tour là pour le chanteur ou pas? Ouais, je pense. Hein. Moi j'ai trouvé un indice. C'est un gars qui a un peu pété un câble. Ah, c'est Kanye. C'est qui? Bah, le vrai gars qui a pété un câble, c'est Kanye. Attends, attends, mais Eta est juste là, lui une proposition et ensuite nous on a une proposition. Ok, une proposition de chanson. Non, c'est Kanye West. Mais... Ah ouais, c'est Kanye. Ah putain. C'est Kanye ça. Non, mais il l'avait dit. Oui, c'est Kanye. Je sais pas. Et la meuf? Pourquoi tu montres le titre? T'as vu le titre? Non. Ben voilà, je me suis sa gueule. Vous avez trouvé ou pas? Mais quoi? Le titre? Non. Non, le titre, je l'ai dit. Bah, c'était Can't Tell Me Nothing. Voilà. Ah, ok. C'est aussi un blind test, je vous le dis. Ouais, c'est vrai. T'as été nul la scène de Kanye quand même. Ah oui. Moi, j'aime bien ça. Bon bah du coup c'est parti pour la suite. Non mais il y a combien hein? Bah là pour l'instant il y a t'as pas trouvé. Est-ce qu'on a un demi-point? Non, il fallait Kanye West et vous avez 3, on a 2. Du coup vous avez 3 et non. On a 2, on a trouvé le film et le Watchmen et le. Ah oui, il y a un film où il y a Kanye West. Non, absolument. Ok. Putain, vas-y là, t'as pas choisi. Comment? Non mais j'ai pas vraiment genre pour que vous pouviez. Enfin pour que vous pouviez. Merde. Oui, pour que vous pouviez. Trouver le film, ben genre en gros il fallait que je prenne des films connus et du coup les chansons qui sont. Ouais, non, mais c'est vrai, je fais ça. Ok. Donc c'est parti pour la suite. Shazam ou pas bon. Good Morning Med. Non. Ça va tard. Bah du coup, c'est si, par contre. Bah ça marche alors, il est sorti en 2009. Oui, Good Morning Med, c'est ça. Et du coup, vous devez trouver la chanson. Donc Stones. Oui, mais qui? Mais quoi, quelle chanson? Bah t'entends le refrain, ça va venir hein. Ah non, c'est pas Good Morning England, pardon. Désolé. Avatar. Non. Toutes les chansons du monde d'Avatar, j'ai l'impression. Inglourious Basterd. On va tous les faire, évidemment. J'ai interverti avec Matt, mais c'est pas Good Morning England. C'est un film où le réalisateur aime bien mettre des chansons de tout type. Dolan. J'adore Dolan. Ok, j'ai tué ma mère. Woody Allen. Non, parce que souvent dans ces films, il y a des musiques. Non, Woody Allen, c'est assez tranquille à chaque fois. Là, ouais, mais vraiment, il aime bien mettre des BO. C'est vraiment un gars qui a une esthétique qui a l'air assez posée, mais qui est un peu rock. Ah, c'est dans Fantastic Mr. Fox. Oui, c'est... Du coup, tu m'as clairement écrit Wes Anderson. Oui, mais je vous donne des indices. Ouais, vous savez, la symétrie. Ouais, c'est vrai, ouais, ouais. Tu t'es plan symétrique. Du coup, la chanson. C'est Stones. Oui, mais c'est qui? C'est vrai, parce que toi, t'as trouvé Stones, c'est... t'as la mort encore. Bah, c'est ta pote en même temps. Oui, j'ai la mort, Tu me dis oui pour Good Morning England, moi je crois qu'on annule le point. Ouais, ouais, putain. On avait donné Good Morning England, c'est bon normalement, il nous a dit non, oui. Non, il est pas dans Good Morning England. Bah ouais, il nous a dit oui, je suis désolé. Il a pas dit, il est pas. Non, mais je sais pas vraiment. Bon bah du coup, ça, c'était Street Fighting Man. Voilà, des Stones. C'était Street Fighting Man, voilà. Je le répète. Il est dans un autre film Et non. Voilà. Parce que Wes Anderson utilise des musiques qui n'ont pas été utilisées. Il ne paye pas cher du coup. Voilà, il ne paye absolument pas cher. Donc on passe à la suite. C'est parti pour la meilleure chanson du PAF. Non. T'as pas menti, c'est la meilleure. Avatar. Ouais, déjà le titre. Ça vient d'un film en 2009, ça. Mister Nobody. Ouais. Tu l'as dit au pire. Non, je te jure que non. Est-ce qu'il faut dire bien la prononciation? Tu viens de me trouer le cul, hein. Est-ce qu'il faut dire la prononciation en allemand pour le pour avoir le point? Ta titre. Bah, c'est l'enfer à dire. Non. Moi je l'ai. Ah ouais. Ouais. Franchement, elle est... vas-y, je te laisse trouver. Attends. Il a sa titre en allemand. Hein. Oui. Oui. Ça va être l'enfer. Non mais je connais même pas l'artiste. Je sais pas qui est. Enfin je. Ouais, ouais. Si on connaît pas l'artiste de toute façon. On peut avoir un point si je le dis. Toi tu sais. Oui. Vas-y dis. C'est 999 Six Club Balance de Nena. J'avais aucun mot qu'elle a dit. Hein, ouais. Ça veut dire 99 ballons d'air en allemand. Nickel. Et les gars, cette fois-ci, vous pouvez faire. Avec un point. Vous pouvez vous marquer un point. Vous marquez un point. Sauf que là, vous pouvez gagner 3 points parce qu'elle apparaît dans un film en 2009. C'est bien, on a 3 points déjà. Inglourious Basterds. Non. Good Morning England. J'articule même plus. Ouais. Attendez. Et tu es ma mère. Tu sais que j'y ai pensé. Avatar. C'est ultra simple. Vas-y. Watchmen. D'ailleurs, en 2000, elle apparaît dans Camille Redouble. Si tu veux savoir. Ah, c'est une chanson sur la guerre froide, donc en vrai, Watchmen, pourquoi pas, tu l'as dit. Ouais, j'ai dit Watchmen. C'est ça. Ouais, c'est ça. C'est une chanson donc, qui parle de guerre nucléaire et de destruction du monde. Vous avez du coup 6, c'est ça. Et vous avez. Non, on avait déjà 3. Vous là, avez 2 et 4. Bah, 3. Non, on avait déjà 3. Non, vous avez. Après, on a donné un truc tous les deux. 3, 4, et là, on a 1. Non, on vient d'avoir 3 là. Non, ça vous fait 6 et ça vous fait du coup 4. Je crois. Non, ça leur fait 5 et ça nous fait 4. Non, okay. Ça nous fait 6 par contre. Ok, les gars, je ne tiens pas les. Ça nous fait 6 parce que c'est 3, 5, soit 3, 5, soit 4. Okay. De base. Non, mais c'est, vous 6, c'est sûr, mais vous, je crois que c'est 3. En plus, oh putain, tu as gagné, tu vas pas trouver une chanson dans les 10 minutes. C'est lui qui va chercher. C'est lui qui va chercher. Je te hais des têtes. C'est Lucas qui va chercher. Bon, la prochaine, j'espère que vous êtes chaud toujours. Non, on est chaud, on est né chaud ici. Je suis désolé. C'est parti pour la musique. Avatar. Non, ouais, déjà, Good Morning England. Oui, elle est du coup dans Good Morning England. Donc Bowie, Let's Dance et une autre chanson. Oui. Bah ça doit être dans une note. Ah, une note de 2009. Non, pas forcément du coup. Bah Ziggy Stardust le film. Non. Boogie Nights. Non. Mais elle apparaît dans des films que vous avez vus forcément. Merci. Toujours à chaque fois avec le réalisateur Wes Anderson de La vie rêvée de Watermitty. Ben ah putain. Tropic Thunder. Non, vous avez le droit qu'à 2 réponses chacune, donc fais gaffe. T'as grave. Faut la nuométrie. C'est quoi cette règle après que j'ai dit quoi. Dommage, ah, t'as perdu 20 points. Je me dis pas. Tu viens de perdre 20 points. Ah bah cool. Alors. Donc la nuométrie c'est mort, c'est pas passé. Non, c'est pas la. Le gars du câble. Non. C'est votre dernière proposition. Ouf. Mais il en a pas fait 1000 hein. Ben Stiller. Non mais bon, arrête avec Ben Stiller. Non, arrête, lui, arrête. Non, mais c'est pas comptabilisé, fait un truc c'est ultra connu. Il est trop chaud Lucas. C'est de lui. Ah, mais t'as dit de lui petit con. Ouais, t'as dit de lui. T'as dit, non, t'as dit Lucas, t'as dit du. Non, j'ai dit avec. Non, t'as dit Lucas. De toute façon, c'est de lui. Ah bah voilà, bah moi je connais pas plus que ça. Je connais pas. Oh là là. Je ne sais pas visiblement. On revient après. Moi je suis réfléchi. Non, c'est pas grave. Il a fait Walter Mitty, Tropic Thunder. Le gars du câble. C'est pas lui ça, ta mère. C'est le premier qui s'y fera. Le film avec Ben Stiller. Mais c'est pas de lui ça, putain. C'est le premier qui s'y fera le film avec Ben Stiller, du coup j'attends. Bah, j'ai je veux c'est avec Adolu. En fait, on en a oui, avec Adolu. Mais c'est Tonnerre sous les troupes. Non. C'est pas Tropic Thunder. oui, c'est yes. Ça. Non. Bah, la vie de rêve de Walter Mitty. Non. Ce serait con qu'il bah, je connais pas plus que ça. Non. Je et c'était Zoolander. Ah, bah, si, je savais pas que c'était lui, par contre. Bah, c'est lui. Est-ce que vous êtes prêts pour normalement la dernière, qui est un petit bonus, parce que j'ai bien aimé la musique. Avatar. Arrête de dire Avatar. Parce que c'est Avatar, ça. Ça va peut-être être dans Mr. Fox, mais je pense pas, vu que. Woody Allen qui est sorti. Cette vie. Quand il se. Non, parce qu'à un moment, il y a une musique comme ça. Quoi. Ouais, bah, c'est pas ça. Citer n'importe quel film musical. Mr. Noble Jim. Island. Non. De 2009, hein, je vous rappelle. Pas 2019. Ouais, la lande. Non. Good morning England. Oui. Non, mais encore, tu refais. Lui, il a dit non en fait. Ouais. Putain, mais tu étais redondant quand même. J'ai bien aimé, je dis. J'ai bien envie de me tuer. J'ai bien envie de me tuer. C'est gratuit. Non, mais vous allez pouvoir gagner des points sur la seconde manche. Sur 37. Hein. Non, non, franchement, c'est voilà. On a combien là, vous êtes à 8. 8, il me semble. Du coup, 9. Avec le à part si tu trouves le titre et les interprètes. Non. T'as pas pensé de notre musique. Je crois que c'est sur les Beatles, mais à part ça. Pour moi, c'est un plagiat. Attends. Paul McCartney. Ça fait penser aux Beach Boys, mais c'est américain et donc forcément c'est anglais. D'ailleurs, il y a beaucoup de chansons des Beach Boys qui ont été utilisées en 2009. Ah ouais. Voilà, je tiens, c'est une petite anecdote. T'écoutes. Et par contre, il n'y a aucun Beach Boys qui passe dans ton film. T'avais du coup I can see. Ah putain. Tu vas répéter la phrase du coup. C'est I can see. C'est The Turtles et c'est Eleanor. Et ouais, ok. Bon bah du coup ça vous fait un point. Donc okay, vous, vous êtes à 9 et vous êtes toujours à 3. À 3. Ouais, à 3. Là vous gagnez 3 points par réponse parce que ce sont des questions sur les Oscars. Voilà. Okay, parce que j'avais envie de poser des questions sur les Oscars parce que c'est par rapport à la musique ou comment? Rapport à la musique par rapport au début à la musique puis ensuite par rapport quoi, à un d'accord. Truc voilà. C'est moi qui décide, c'est ma carte blanche. Donc qui a gagné l'Oscar de la meilleure musique de film en 2009? Putain. Est-ce que c'est Avatar en plus. Est-ce que c'est James Horner du coup qui a fait Avatar? Est-ce que c'est Marco Beltrami et Beck Sanders pour les démineurs? Enfin pour démineurs. Est-ce que c'est Alexandre Desplat pour Fantastic Mr. Fox? C'est ça. Ouais. Est-ce que c'est Hans Zimmer pour, je dis tout d'abord. Ouais. Pour Sherlock Holmes ou est-ce que c'est Michael Giacchino pour Là-haut? Moi j'ai le premier. Mr. Fox. Ouais, Mr. Fox. Moi j'ai le premier. Et non, vous ne gagnez, personne ne gagne de points, c'est Là-haut qui a gagné. Ah ouais? Parce que oui, les thèmes de Là-haut sont vraiment très très beaux. Ok. Ouais, mais Alexandre Desplat, le meilleur compositeur. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Qui a gagné la meilleure chanson? Est-ce que. C'est tout. Je vais me tuer. Est-ce que c'est Nine pour Take It All? Est-ce que c'est Faubourg 36 pour Loin de Paname? Est-ce que c'est La Princesse et la Grenouille pour Down in New Orleans? Est-ce que c'est La Princesse et la Grenouille pour Almost There, ou est-ce que c'est Crazy Heart pour The Wary Kind? Le premier point, ça c'est Grenouille. Oui. Bah c'est rien du chôté, on t'entend dira... en fait. Ça pense à ça quand même. Je viens de dire c'est un des. Non, je viens de dire c'est un des. Mais oui, mais tu chuchotes. Mais non, je dis à toi. Bah, du coup, on dira le deuxième pour essayer d'être. Bah non, compétitif. Ah. C'était Crazy Heart. Ils ont donné aucun des deux. Ah oui, c'était Crazy Heart. Bah, super nomination en tout cas. Cette fois-ci, dernière question sur. Attention, je vais choisir parce que là c'est un peu pif. Qui a gagné, l'Oscar du meilleur acteur? Est-ce que c'est George Clooney pour son rôle de Ryan Bingham dans In the Air? Je sais pas si vous l'avez vu. Non, il était sur Netflix. En gros, en gros, c'est un gars qui passe sa vie à. Son travail, c'est de licencier des gens avec son sourire. Et genre du coup il prend énormément l'avion, il a pas de situation sociale fixe. Voilà. Et du coup c'est ça, il raconte, voilà, c'est un peu un drame. Est-ce que c'est Colin Firth dans A Single Man pour son rôle de George? Est-ce que c'est Morgan Freeman pour son rôle de Nelson Mandela dans Invictus? Est-ce que c'est Jeremy Renner pour son rôle du sergent Williams dans William James dans Demeanor? Ou est-ce que c'est Jeff Bridges pour le rôle de Bad Blake dans Crazy Heart? J'irais Colin Firth. Je dirais Freeman. Ouais. Eh bien, c'est une victoire quand même pour l'équipe de Kylian, même s'ils n'ont pas bien répondu. C'est Jeff Bridges dans le rôle de Bad Blake dans Crazy Heart. Voilà. Bah, Crazy Heart, t'as remarqué que les Oscars gagnent tout le temps, enfin les gens gagnent tout le temps des Oscars, et souvent les films sont genre on s'en fout quoi, on s'en fout, on les oublie. Bon, ça dépend, ça c'est la vieille légende urbaine, on oublie, mais. Bah, en vrai, bah, la plupart des films, Oscars importants, mec. Ça dépend des films. Moonlight qui a gagné Oscar du meilleur film. Non, mais putain, oui, tu prends le truc où la rumeur s'est lancée, c'est sûr. Mais... Bah, si tu regardes tous les ans. Mais oui, parce que c'est des films coup de poing, c'est normal. Mais... Bah voilà, mais ils essaient de faire un film coup de poing avec un message social, et du coup, au final, t'as des excellents films qui sont vraiment les meilleurs films de l'année qui ne gagnent pas. Au niveau des Oscars, Slumdog Millionnaire, il en a gagné deux et ils étaient. C'est pas oublié, il y a plein de trucs comme ça. Oui, mais je te parle ceux qui gagnent les Oscars les plus importants le plus souvent. Je parle, c'est déjà une généralité. Par exemple, exceptions comme Slumdog Millionaire. Bah, il y a souvent des exceptions, du coup, c'est pas une généralité quoi. Y a pas Gran Torino, il a pas trop touché un truc aussi, Gran Torino. Ouais, mais c'est pas bien. T'as pas aimé, pas Clint Eastwood. Ouais, c'est le problème. Ça peut aider, hein, c'est... Bon, mais du coup, c'est la fin de la rubrique Shazam ou pas vous. Bravo à toi. Je vous libère. Et du coup, Kylian ou Lucas, c'est Lucas qui a marqué le plus de points. Donc c'est Lucas... Je trouvais plus de films. C'est toi qui les as tous trouvés. Hein. Il a pas trouvé un seul film. Il a trouvé toutes les chansons. Oui, on est une équipe complémentaire. Et il a trouvé, je crois, deux films en tout du genre. Non. T'es sûr? Le seul film qu'il a trouvé c'était Good Morning England. Et tu t'es bon. Trompé en plus. D'accord, donc c'est Kylian le. Bah, du coup, non, mais c'est bien, c'est Kylian qui va choisir. Non, mais par contre, moi j'avais pensé à la musique. Lucas a trouvé. Vite. Non, moi j'ai la musique qu'elle a donné le nom. Pourquoi pas? Enfin. Bah, non, mais prononce-le. C'est c'est l'allemand là. Il y a une version anglaise si tu veux. Tu veux faire quoi? La musique de fin, mettre la musique qu'il a mis allemande. Nena 999 der Schuh. Mais pourquoi? 99 ballons d'air. Pour la fin? Pourquoi pas? Luft. C'est plutôt fin. Voilà, ça fait une petite fin. Non, mais attends que tu choisis ça. Au lieu d'avoir rien à foutre, il y a qu'une seule envie, c'est que je fais les choses vite quoi. Ouais. Et je modifierai la carte blanche de la prochaine fois, voilà. Pourquoi? Parce que je trouve un nouveau concept à ça. Mais c'était trop cool, moi j'aime. C'était gagné. Mais c'est à chaque fois les gagnants qui trouvent que c'est trop bien, tu vois. Genre, peut-être qu'on reviendra Peut-être reviendra tel, ouais. Moi j'ai moins bien aimé. Ouais. Parce que tu as perdu. La dernière fois t'avais bien aimé, je crois. J'ai adoré. T'as passé un bon moment. Bon, bah du coup, mention honorable. Ouais, mention honorable, ouais. Les mentions honorables? Bah écoutez, mention honorable de 2009. Moi j'ai noté carrément Slumdog Millionnaire. Mmh. Oui, Julien commence ça. Oui, ça chronique des oui. Je commence à dire oui. Good Morning England, mais fois 1000. Ouais, franchement, oui, moi je suis totalement d'accord. Mais niveau comédie française, il y a eu la suite de OSS 77. Ouais, je préfère le 1 moi. Ouais, mais oui, forcément. Ouais, mais c'est toujours. J'ai noté Zombieland. Incroyable. Est-ce que t'as des mentions honorables de 2009? Tellement que je te passe la liste. Non. Avatar, tu notes comment ça? Avatar, ouais. Pognon sur la falaise. Avatar, tu notes Avatar quoi. Non, mais tu nous l'as trouvé comment? Les gars, c'est pas sympa. De quoi? Si, j'ai une mention honorable, Pognon sur la falaise, que je suis allé voir deux fois en salle. Pognon sur la falaise. Ouais. Un film de Miyazaki. C'est l'histoire d'un personnage qui se transforme en petite fille et qui a une histoire d'amour avec un gars de 6 ans. Ok. Savoir que bon pitch, c'est bien, c'est vrai. Et il est super beau. Tu ressens tous les pitchs de Miyazaki, tu vois. Ok. Mention honorable pour Invictus, qu'on a pas choisi. J'aime pas. Ouais, moi, t'aimes pas? Tu savais pourquoi? C'est Clint Eastwood. Mec. Grand Torino, je l'ai pas noté. Grand Torino, il est trop bien, mec. Ah, je l'ai pas noté, moi. C'est trop américain. Grand Torino, tu l'as noté, les américains. Oui, mais je sais. C'est comme j'ai noté Avatar. C'est américain, mais pourquoi j'aime ça? Unforgiven, t'as pas aimé? Tu peux tous me les citer, à part quand c'est pas la meuf qui fait de la boxe. Million Dollar Baby. Unforgiven, c'est un western. Non, mais en vrai, il est super, tu vois. Bah, mention honorable pour Dans l'œil d'un tueur, puis j'ai voulu voir, enfin pour Synopsis, et puis j'ai pas pu voir. C'est pas mal, mec. Et tu regardes aucun film en fait, tu regardes que les Synopsis. Mention honorable. Non, j'aime bien faire des mentions déshonorables. Ouais, qu'est-ce que c'est bien. Mention déshonorable pour X-Men Origins Wolverine, voilà. Ah, si on passe sur ça. J'ai hésité de choisir. Hein. Moi j'ai une petite question du coup, honorable ou déshonorable pour Avatar. La merde. Bah c'est juste une démo technique, tu peux pas dire. Oh, y a... Non mais c'est une attraction du Futuroscope, c'est pas un film. Voilà, tu peux pas dire déshonorable. Ouais, mais je trouve que Pocahontas, ouais, mais je trouve que ça a marqué un truc en soi. 2009, tu retiens que ça. Bah, ouais, ça je trouve ça triste mais tout, c'est... Ouais, mais je trouve ça triste mais au final tu retiens que ça. Ouais, bah, c'est nul comme scénario, c'est nul comme film, c'est juste que c'est beau. Oui, ouais, c'est beau, ça a duré longtemps, c'était la voilà, c'est. Non mais je trouve que c'est pas un bon film en soi. Le mater chez toi et sur ta télé, c'est pas bon. Mention honorable. Ah oui, ça c'est sûr. Mention honorable pour Fantastic Mr. Fox. Ah ouais. T'as fait mention honorable pour The Informant avec Matt Damon, réalisé par le gars qui a fait Vice. Je sais pas si c'est Vice, c'est ça. Oui, Adam, ok. Voilà, bah, il avait fait The Informant avec Matt Damon et Matthew Arnold. Il y a Mother aussi qui est sorti, non? Ouais. Et pas de mention honorable? Mother de Bong Joon-ho aussi, il est excellent, ouais. Bah, mention déshonorable à cette merde de Sherlock Holmes. Ouais. Avec Robert Downey Jr. et. Ouais. C'est comment il s'appelle ce connard en fait? Jude Law, ouais. Non mais le. Garrity. Voilà, Garrity. Je te déteste. Mention. Moi je. Les gars, mention honorable en vrai pour Fast and Furious 4 parce que... Il est sorti en 2009? Bah ouais, et c'est le meilleur Fast and Furious. Avec le 7, avec le 7. Ouais, non, le 2 j'ai bien aimé, là, Tokyo machin, là. Ah non, ouais, Tokyo Drift, Non, le 1, c'est le 4. Fan. Le 4 était vraiment très très bien. Mention honorable pour A Single Man, ouais. Mention honorable pour là-haut aussi, faut pas l'oublier. Pour les Watchmen. Pour Watchmen, en pour Watchmen. Ouais, mais en vrai, il y a tellement de bons films en vrai qui sont sortis. Genre, bah, franchement, moi j'ai été dégoûté de pas avoir choisi 2008 parce qu'en 2008, il y avait beaucoup plus de choses. Mention honorable 2008. C'est toi qui l'as c'est toi qui as choisi 2009. Mention honorable pour Oscar et la Dame Blanche. Et la Dame Rose, pardon. Parce que moi j'ai le livre à la maison, je l'ai lu, et franchement c'est excellent et je me suis pas. Mais t'as pas vu le film ? Non, parce que je me suis dit ça va me gâcher le livre. Tu vois, mention honorable pour ce film. Le film non plus, il a cassé la couverture. Ça, tu vas ailleurs. Je pense que tu vas ailleurs quand même. Du coup, Alan Moore il va pas venir parce que mention honorable à ses films adaptés. Voilà quoi, le livre a beau être bien. T'as vu d'ailleurs Alan Moore. Il a vu la série de vidéos Watchmen. Non. Et du coup, il a pas aimé. Ah bah, tu m'étonnes. Mais non, mais il a aimé la vidéo. Il aime bien en fait. Ouais, le nom. Non, mais j'aime bien mon truc. Non, même, non, même ce qu'il fait, il aime pas. Même ce qu'il fait, il dit ouais, c'est pas important. Non, mais Watchmen, il se suce la bite. Watchmen, il a dit que c'était pas important. Oui, non, mais, oui, dit, non, mais, il oui mais il comprend pas l'engouement, ça c'est voilà. Pas vrai, ça va pas marquer l'histoire du comics. Oui, mais dès qu'il y a l'adaptation ou qu'il y a un truc, il fait je reprends un peu Watchmen, il fait. Ouais, c'est pas bien quand même. Le mec il a écrit le meilleur Batman et le meilleur Joker, ouais, il a dit ouais, ça restera jamais dans l'histoire du Batman et le Joker. En fait. Mention honorable aussi à un prophète. Ouais. Qui a su le mec Tara Haim qui a réussi à avoir meilleur premier rôle et meilleur acteur en César. D'accord. Donc, ça c'est la dernière fois que ça s'est fait parce que les Césars après ils ont fait. Ouais, quand même. Du coup après ils ont raté. Parce que tu peux plus avoir ça. Et du coup, toi je pense que tu vas faire une mention honorable à District 9 parce que t'avais l'air de. District 9 au film. Voilà. Bien Bad Trip aussi, hein, c'est incroyable. Ouais, ouais, Bad Trip. On passe aux gagnants et aux perdants. Gagnants et aux perdants, ouais. Ah, on est d'accord. Moi, j'ai un problème, c'est que j'ai envie de voir aucun de vos films. Ah, bah, ah. Mais non, on demande pas les films, la manière dont on les défend, tout ça. Il y a un peu tout qui rentre en jeu. À partir de ce moment-là, où les films sont à chier. On donne un perdant ou deux perdants et un gagnant. Un perdant et un gagnant. Mais un gars neutre, nul. Non, non, il faut surtout humilier le perdant. Voilà. C'est le plus drôle. Super méchant. Mais à chaque fois, il y a un truc. Il faut savoir que le perdant, prochaine émission, a un film. Il choisit le pire film pour lui. Et il a un jingle perdant d'ailleurs. Voilà. Ah ouais, vous avez fait un jingle perdant? Ah, yes. À chaque fois, on le personnalise. Ok. C'est personnalisé. Attention, mais il faut que quelqu'un l'annonce. Vas-y, fais Nikos Allégas. Oh putain. Okay. Jingle Nikos Allégas. Logiquement, Jaja porte le numéro 3 ce soir. Vous l'avez chanté à la maison? Voici Yaka. Il est terrible, Nikos Allégas. Salut les loups. Tu es terrible. Bienvenue sur Europe 1. Ah, pardon, on n'est pas chez Europe 1. On est sur TF1, non? Putain, mais il est parmi nous, okay, le mec. Ah, c'est stylé, il est là, le gars. Le gars, là, je viens de sortir d'une séance d'UV. J'étais cantelou d'ailleurs. Son crâne n'arrive pas à bronzer. Voilà. Les robots de ciseaux, je lui ai donné toutes mes techniques. Voilà. Utiliser de l'huile d'olive, mais finalement, ça ne marche pas. Allez, viens en frère. Donc, Agnès, dis-nous qui a gagné des 3 gonzes. Sachant que je tiens quand même l'imitation de Bourget, la meilleure de la table. C'est pas ça qui est important. Je te jure, mais t'es pas délicote du tout, genre t'es incroyable. Les loups, mon loup, écoute, laisse-la décider. Je pense que le film qui était le plus OSEF, donc qui gagnera pas et qui perdra pas, c'est Cinéman, parce que ça a l'air mauvais, mais pour rien en fait. Je répondrai pas. Il est super content, hein. Dans sa tête, il est super content. Hein. Non, non, vraiment, je déteste, j'aimerais gagner parce que franchement, avec des films sans intérêt à côté, enfin voilà. Malou, sans intérêt. Oh, elle a monté par la campagne. Pas ça que tu l'as retrouvé. Et du coup, le meilleur film. Ouais, je t'avoue que j'ai pas spécialement envie de suivre Anna Montana pendant une heure et demie. Sans doute que c'est Disney Channel, ce n'est pas fini TF1. Donc j'ai encore moins envie de voir Will Smith se suicider avec. Ah, mais si on sait que ça! Non, en fait, le pitch me plaît pas du tout. Ok, bah ok. Désolé. Y'a quoi, t'as un problème? Non, non. On dirait que t'as les jetons, quoi. T'as jamais vu un flingue, t'as. Tu peux arrêter de pointer ton flingue, hey, tu te crois ou connard? Jamais tu me tailles un short comme d'accord. Ça devant du peuple. Range-moi ce flingue. Garde-toi. Mais t'as fait gaffe avec ton engin. Girafe de Snoop Dogg, t'es au courant? Tu rappes? Non. Bouge, connard. Dégage, dépale. Si je te croise sur la nationale, vire tes fesses ou ça sera fatal. Mike! Donc ce que je dois comprendre, c'est que Anna Montana a gagné. Attention, balancez le générique d'Anna Montana. You got the best of both worlds, d'ailleurs, la BO d'Anna Montana. T'as un peu gagné par défaut, je suis désolée. Je la prends. Bon, bah, du coup, choisis un acteur, un réal ou un genre. Vas-y. Alors, ça sera en actrice, Shoshana Belasco. Oh putain, on en parle depuis le début du podcast. Hein, donc, choisis un bon genre, quoi. Genre un genre. Oui, bah, vous inquiétez pas. En réalisateur, j'ai pris Alain Chabat. Oh putain, excellent. On va pouvoir se faire kiffer, peut-être. Bah, pas pour moi, du coup. Non. Peut-être. Okay. Tu l'as pris en réalisateur ou réalisateur acteur? Les deux, c'est la personne. Mais techniquement, c'est un réalisateur. Parce qu'on prend acteur, réalisateur, mais après, c'est pas les loin. Ok. Et en c'est catégorie. Aussi, hein. Ah oui, bah il a fait beaucoup. Hein. Il a fait un film très mauvais. Et en genre, un film où la VO, c'est ni anglophone ni francophone. Donc un film allemand, belge ou. Tu viens d'écrire non, mais ça cite toutes les nationalités des films. Ça va pas prendre. C'est tous les autres pays du monde. Voilà, pas, je veux pas de l'anglais, je veux pas de français. Un film pas occidental en fait. Bah, non, mais ça pourrait être espagnol. Pourquoi pas ? Espagnol, allemand. Ok. Vas-y. C'est l'heure de la roue magique. C'est l'heure de. J'ai hâte d'annoncer le fait. Oui. C'est l'heure de la roue magique. C'est la roue magique. Les prochains nous regarderont. Un film d'Alain Chabat. Oh, bah non. Putain, ça va, vous en sortez bien. Ça va être vachement bien. Ça va être vachement c'est bien. Trop bien. Ça va être ouais, trop horrible. Moi, je sais déjà lequel tu vas faire, mais après, voilà. Bah, ça dépend, parce qu'après, c'est par rapport à moi. Non, mais moi, je sais vraiment lequel est le pire film de l'Alain Chabat. Il est vraiment nul. D'accord. Après, on a la chance d'avoir, du coup, un correspondant direct de l'Amérique. Ah oui, c'est vrai. Ah oui, c'est vrai. La semaine prochaine, petit c'est dommage, changement. C'est dommage le thème. C'est vrai, petit changement, semaine prochaine ou dans 6 mois. C'est Ryan qui va faire un film et Lucas partira aux États-Unis pour nous faire un duplex pour rencontrer Alain Chabat. Voilà. Donc on va essayer de le trouver. Hein. Voilà, Lucas va essayer de percer en tant que. Il va s'excuser auprès de Xavier Dolan et de Yann Moix. Et de Yann Moix. Tu lui diras que t'es un meilleur journaliste que lui, d'ailleurs. Ouais, déjà. Bah, du coup, on passe au mot de la fin. Bah, je pense, ouais. C'est parti. Bah, écoutez, Agnès, un mot de la fin. Un mot ? Non, mais on va débriefer un peu. N'oubliez pas qu'on est sur Spotify, c'est un teaser, c'est un instant promo, tu peux mettre le téléachat là, je pense. Ok, le téléachat. N'oubliez pas qu'on est sur Spotify, sur Deezer, sur Apple Podcasts, sur toutes les applications de podcasts. Et bientôt sur Naughty America. Sur, ouais, toujours pas dans le tableau. Sur YouTube, sur SoundCloud. Lâche un commentaire, n'hésite pas à nous y accès, ça nous aidera à nous améliorer. Ouais, ouais, ouais, lâche un coms, s'il te plaît. Mets un mot random dans le commentaire YouTube. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Qu'est-ce que vous voulez, les gars, dans les commentaires, par exemple? Vous voulez quoi? Répondez pas tout de suite, hein. Regardez-moi comme ça. Bah non, moi, je pense que c'est tout. C'est un mot random, c'est déjà... Proposez peut-être des thèmes, des acteurs, des réalisateurs que vous voulez entendre parler. Ouais, partagez cool à vos copains, spammez Saveur Bière sur la vaso pour qu'ils nous sponsorisent. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Harcelez-les. D'ailleurs, leur camp base, c'est à Lille, comme tous les sites sociaux. Donc, allez à Lille. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Parlez-en à vos amis, évidemment, parce que ça marche comme ça, le podcast, c'est le bouche à oreille, par pitié. Saveur bière, s'il vous plaît. Ouais, saveur bière, vraiment. Et puis je pense que c'est tout, ouais, le mot de la fin. Le mot de la fin. Allez, Agnès, t'as besoin de donner deux cette fois-ci. Bah, du coup, j'ai déjà dit moutarde. Ouais, pas mal, moutarde. Et je vais rajouter volet coulissant. Pas mal, ça fait deux mots. Ça fait huit mots. Ouais, deux mots, finalement, mais. Et Kylian, à toi? C'est parce que c'est une femme, voilà. Bah, merci. Putain, mais c'est toujours ton mot en fait. Ouais, soit merci, soit une maladie en fait. T'as pas le droit, merci, tu peux dire autre chose. Qu'un mot. Fou de rien. Je te déteste. Est-ce que j'ai le droit à deux? Non. Non. Je dirais slip kangourou. Ryan? Putain, je vais être plus loin. Ouais, allez, moi ça sera coke. Et moi ça sera. Et moi ça sera olive, voilà. Ah, allez, applaudissements, à la semaine prochaine. Le micro. Et c'est la chanson des Allemands qui se lance en fond. Lass ihn